Puis c'est ça un peu le but de tout l'atelier aujourd'hui, c'est de regarder l'éducation, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là au Québec? Qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis qu'est-ce qui va contre nature, je trouve, souvent, de la nature humaine? Puis qu'est-ce qui va avec la nature? Alors, je vais commencer. Je m'appelle la petite présentation. J'ai fait un bac en enseignement secondaire. Maintenant, je fais une maîtrise en éducation. J'ai travaillé comme 3 ans et demi dans les écoles secondaires, ici à Montréal, puis à Québec aussi. C'est ça. En ce moment, je fais une maîtrise sur l'éducation alternative. Je suis vraiment en train de faire j'étudie vraiment, je dirais, les auteurs que je trouve qui sont vraiment primordiaux, sont super importants en éducation, puis aussi les projets d'école que je trouve super intéressants. Juste avant de continuer, peut-être qu'on peut juste dire notre nom rapidement pour que, si on a à interagir, on va se connaître nos noms peut-être plus facilement. Toi aussi. Sonia. Marianne. Anna. Alana. Mary Martha. Lise. C'est pas Lison? J'ai vu Lison, c'est ton courriel. Ok. Et ton nom? Moi, c'est Colin. Colin. Colin, Colin, ouais. Ok. Pendant l'atelier, n'importe quand, si vous voulez dire un commentaire, une réflexion, une question, gênez-vous pas. C'est sûr que moi, je fais beaucoup de recherches, puis je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des espaces pour, premièrement, d'en parler aux gens qui s'intéressent à ça, mais aussi pour échanger. C'est sûr, j'ai quand même, bon, là, j'ai l'air d'avoir plein de documents, plein de choses, là, c'est vrai, oui, mais si vous voulez rajouter, là, gênez-vous vraiment pas, c'est une discussion ouverte. Alors, pour une éducation, j'ai comme changé le titre aussi de l'atelier, là, ça s'appelle « Pour une éducation libre et émancipatrice ». Je me suis rendu compte que c'est vraiment ça que je veux développer, une éducation qui n'est pas contrôlée par des gens, par l'État, puis émancipatrice, qui veut donner la liberté aux gens. Alors, c'est ça aujourd'hui qu'on va parler. Premièrement, je trouve ça important de dire, souvent on mélange un petit peu tout, éducation, scolarisation. On mélange ces deux choses-là. Je trouve ça important de c'est assez simple quand même, mais quand même de le préciser, qu'éducation, souvent, quand on va parler d'éducation dans cet atelier-là, éducation, c'est plus large. Ça englobe, entre autres, la scolarisation. L'éducation, ça va être, entre autres, enseigner un peu les normes, les mœurs de la société. Ça va être... tantôt, j'ai lu quelque chose, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, donc savoir faire différentes tâches. Le savoir, c'est avoir des connaissances aussi. C'est le savoir-être aussi. Alors, ça, c'est un peu l'éducation, ces trois savoirs-là. La scolarisation, c'est ce qui a rapport avec l'école, ce qu'on va apprendre dans l'école. Même, souvent, les médias utilisent mal ces termes-là. Par exemple, on va lire, les filles en Afghanistan n'ont pas d'éducation. Non, je veux dire, leur mère, leur père leur apprend quand même quelque chose. Ils ne sont pas complètement, tu sais, assis à longueur de journée. Ils sont même qu'ils savent plus de choses que moi. Peut-être pas les mêmes, mais je suis sûr qu'ils sont très débrouillables. Ils n'ont pas de scolarisation. Peut-être qu'il y en a grâce à nos superbes troupes, mais c'est deux choses qu'il faut différencier un peu. Je suis un cours à l'université en ce moment, à l'UQAM, puis hier, il y a quelque chose qui m'a vraiment, je dirais, qui est comme primordial un peu pour laquelle je fais cet atelier-là. Puis c'est quelque chose qu'un auteur hier que je disais qui m'a fait penser, c'est Dewey. Dewey qui est comme... C'est vraiment une base là, en éducation. Là, il a écrit des choses super intéressantes en 1900, début 1900-1915. Puis, disons, il est dans mon cours. Puis, c'était à la fin du cours, puis j'en ai parlé après ça avec le professeur. Tout le monde était parti, mais en tout cas, il disait que, selon Dewey, l'éducation est nécessaire car l'homme est mortel. Et pour assurer la survie de l'humanité, de l'humain doit transmettre ses connaissances d'une génération à l'autre. C'est pour ça qu'on doit faire l'éducation, selon Dewey. Moi, ce que j'ai pensé par rapport à ça, c'est que je me disais, en ce moment, l'humanité est en train de se détruire. Pas en train de détruire la Terre. C'est la Terre, je pense que maintenant, on sait tout. Là, la Terre va survivre à tout ce qu'on fait. T'sais. C'est l'humain qui va détruire, ou qui va détruire les peuples qui sont plus proches de l'eau, qui sont déjà plus pauvres, qui sont dans des régions moins hospitables. Alors, l'humain se détruit petit à petit. Pourtant, ce qu'on enseigne en ce moment à l'école n'assure pas la survie de l'humanité. la destruction écologique, les déséquilibres socio-économiques. On détruit pas la Terre, on détruit l'humanité. Et le monde de l'éducation, du primage, que l'université ne fait rien ou presque pour changer la situation. Alors, quand Dewey a dit que l'éducation est l'homme et ça, quand l'homme est mortel pour assurer sa survie, mais je me dis en ce moment, l'éducation ne remplit pas son rôle. Parce qu'on n'est pas en train d'assurer notre survie avec l'éducation qu'on se donne. On est en train d'assurer que l'humain va disparaître. Parce que l'éducation, bien qu'elle soit toute sympathique et pas mal intentionnée, n'en fait malheureusement juste pas assez. Puis on le voit avec la situation sur la Terre. Bon, c'est quoi la situation présente, selon moi, dans le monde de l'éducation? Le monde de l'éducation est pris dans de faux débats, dans des discussions, des réformes et des grands virages éducatifs qui m'intéressent peu par la superficialité de ces changements. Chaque semaine amène sa petite réformette. La semaine dernière, c'était le retour des dictées. La semaine prochaine, ce sera le Ritalin pour tous les étudiants, pour tous les élèves. Après avoir étudié et travaillé dans le monde de l'éducation depuis presque 10 ans, les choses commencent à être de plus en plus claires pour moi. Je comprends pourquoi le taux de décrochage est si élevé, autant chez les élèves que chez les enseignants. Je crois qu'on doit redéfinir ce qu'est le décrochage. De manière traditionnelle, le décrochage est associé aux jeunes qui n'ont pas les capacités intellectuelles pour réussir, ceux qui n'ont pas de motivation, ceux qui veulent entrer sur le marché du travail, se faire un petit peu d'argent, ceux qui ont des problèmes de drogue, etc. Plusieurs raisons sont données, mais la plupart du temps, on met toujours la faute sur l'individu, sur l'élève, ou sur son environnement, ses parents, etc., les écoles qui ne sont pas bonnes. 30% des jeunes décrochent au secondaire, et c'est la faute de ces 30%-là. Il y en a qui raccrochent par après, mais quand même. Surtout dans le monde de l'éducation, il ne faut pas remettre en question les bases pédagogiques qui sous-tendent le fonctionnement de notre système d'éducation. Il faut juste mettre des petits plasters. Il ne faut pas penser que le système en soi, son organisation, sa structure hiérarchique en est la cause. Des réformes, des études et des maîtrises réussiront sûrement à penser petit à petit ce système. C'est ce qu'on croit en ce moment, en tout cas, je crois dans les milieux scolaires, à l'université, dans les commissions scolaires. Le décrochage, ça c'est quelque chose qui m'intéresse plus qu'avant. Avant, je pensais que c'était quelque chose de super simple, c'était comme ceux qui n'étaient pas assez bons, ceux qui, etc., qui avaient des problèmes. Mais le décrochage, finalement, c'est peut-être une bonne chose. Parce qu'il faut décrocher de ce système-là. Il faut en sortir. Une grande partie aussi des enseignants décrochent de leur emploi. Encore une fois, on met la faute un peu partout, sauf sur le travail lui-même qu'on demande aux enseignants. La cause du décrochage des enseignants, c'est le manque de préparation au baccalauréat, les problèmes avec la discipline, la précarité de l'emploi, le long cheminement pour avoir sa permanence, sans parler des tâches très lourdes que les directions d'école proposent quelques jours avant le début de l'année, à fin août, aux enseignants, qui ne savent pas ça va être quoi leur tâche, où ils vont enseigner, combien d'élèves, etc. Bien sûr, les procédures d'embauche négociées entre le gouvernement et les syndicats pour protéger les travailleurs. En échange, on envoie à l'abattoir de jeunes enseignants qui sortent de l'université avec plein d'énergie, d'idées, de créativité et de motivation. Bienvenue dans le monde de l'éducation. Le domaine où la solidarité, la compréhension et l'entraide devraient exister. Pas dans notre système où c'est la compétition, l'évaluation, la réussite qui sont mises de l'avant, bien avant l'emphase sur le développement de la personne, la qualité de vie et le sens de communauté. Comment peut-on espérer inculquer des valeurs d'humanité, puis même à la limite sauver l'humanité, quand le système de sa base jusqu'à ses échelons les plus élevés est géré comme une entreprise qui attend des résultats de productivité? Quand on parle de résultats de productivité dans le devoir, je pense que c'était début janvier, c'est ça, le début janvier, rentrée scolaire 2008, je me disais, bon, le devoir, on va avoir quelque chose d'intéressant, là, peut-être comparé aux autres journaux. Puis, il y avait des petits articles sur l'éducation super sympathiques. Et le premier article ici, sur la première page, c'était l'école de toutes les batailles au rythme des hauts et des bas d'une réforme. Ça parlait de, je vais vous montrer aussi, ça parlait de la réforme en gros, puis un portrait général du système d'éducation, puis comment il est rendu. Puis quand je l'ai lu, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on parlait surtout des fameuses évaluations que les élèves font pour les évaluer à d'autres pays, des évaluations internationales. On parlait de taux de réussite. On disait, nous sommes l'envie du monde. Notre système d'éducation doit être amélioré, certes, mais il faut reconnaître que c'est un des meilleurs systèmes scolaires au monde où l'on retrouve un des plus forts taux de réussite. Alors, tout de suite, on dit que c'est un des meilleurs systèmes au monde parce que nos résultats comparés à ceux de la Chine sont meilleurs. Tu sais. C'est une manière complètement, je trouve, froide de regarder la situation de l'éducation. Quand moi, je me retrouve dans une classe, puis genre, dans une école, puis je regarde comment ça fonctionne, puis les relations, puis les dynamiques qu'il y a dans une école entre les enseignants, entre eux, entre les élèves et les enseignants, je me dis, il y a tellement plus que juste des chiffres. De toute façon, moi, je ne crois pas vraiment aux évaluations. Ça fait que je ne croirais sûrement pas à ceux-là qui veulent comparer les enfants du monde. Il y a peut-être une bonne phrase là-dedans. S'il y a donc permanence de l'éducation dans la société québécoise, c'est dans le fait que ce secteur est toujours source de débat. En cela, dans le monde occidental, le Québec n'est pas une société distincte. Alors, effectivement, qu'il y a débat au Québec sur l'éducation, ça doit aller plus loin. Puis, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et au Québec, quand même, malheureusement, on ne voit pas tant d'alternatives que ça. C'est un système qui est très homogène. Puis, je crois que, en tout cas, je vais venir un petit peu plus tard, mais je crois qu'il va falloir qu'on pousse pour développer d'autres projets. Mais je vais revenir un petit peu plus tard. Par rapport à ce que je disais là, les chiffres, tout, il y a Illich, Ivan Illich, qui est super connu, là. Donc, il y a Illich, par rapport à ce que je disais, les chiffres, puis la manière de comptabiliser, de comparer les élèves entre eux dans le monde. Il disait que l'idée de scolarité dissimule un programme par lequel il s'agit d'initier le citoyen au mythe de l'efficacité bienveillante des bureaucraties éclairées par le savoir scientifique. Et partout, l'élève en vient à croire qu'une production accrue des meilleures notes est seule capable de conduire à une vie meilleure. Ainsi s'installe l'habitude de la consommation des biens et des services qui va à l'encontre de l'expression individuelle, qui aliène et qui conduit à reconnaître les classements et les hiérarchies imposées par les institutions. C'est sûr qu'Ivan Illich est très sévère dans sa critique des écoles. Mais quand même, on peut voir qu'il y a encore aujourd'hui, avec de plus en plus avec les évaluations dans les écoles, du primaire jusqu'à l'université, puis aussi juste le fonctionnement des écoles. Au primaire, quand même, souvent, on tend à dire que c'est plus sympathique, c'est plus les horaires sont plus variables et tout. Mais au secondaire, déjà, on arrive avec les cloches, avec les horaires très fermés, un environnement assez oppressant. Puis ensuite, on arrive au cégep où les gens nous disent que les étudiants arrivent au cégep, puis tu sais, c'est comme des robots quasiment, là, qui n'ont pas nécessairement cette envie d'apprendre. Mais ce soir, l'objectif, c'est pas uniquement de critiquer le système. Là, je viens de faire la petite critique un petit peu du système, peut-être, ce qui me dérange. Mais ça, moi, personnellement, je pense qu'il faut passer outre ça, bien sûr. Puis comme les détracteurs le disent souvent, ben oui, mais qu'est-ce que vous proposez, vous autres, en échange? Vous n'allez pas juste chialer, là, il faut même proposer d'autres choses. Ben, on en a bien des affaires à proposer, je pense. Premièrement, je vais parler de quelques principes éducatifs qui, je trouve, sont super importants à réhabiliter. Qu'on a complètement oublié, ben complètement, pas toutes. Encore une fois, je voudrais dire que c'est pas tous les enseignants qui sont blasés, qui n'aiment plus ce qu'ils font, que toutes les écoles sont pas bonnes, c'est pas ça, mais le système dans son ensemble, selon moi, a des gros problèmes. Donc, certains principes, je trouve, qui ne sont pas assez présents, on pourrait dire, dans le système d'éducation. Puis disons, tu vas en reconnaître une coupe peut-être qu'on a vu ensemble. C'est assez drôle parce que le cours d'université que je suis en train de faire en ce moment, j'étais le dernier à choisir le texte que je lirais, puis personne ne voulait prendre l'éthique à Nicomaque d'Aristote. C'est un texte qui a écrit Nicomaque qui était son fils. Puis c'est un des seuls textes qui est écrit sur l'éducation spécifiquement. Il y en a écrit d'autres, mais ils ont été perdus avec l'histoire. Puis finalement, je me suis ramassé avec ça, puis j'ai trouvé ça vraiment bien parce que l'éthique à Nicomaque d'Aristote, qu'est-ce que ça dit? C'est que le plaisir est le complément de l'acte parfait. L'acte parfait étant pour Aristote, c'est le travail intellectuel, là, c'est sûr. Mais l'acte parfait, c'est quelque chose qu'on va faire de manière complète, qu'on va accomplir de plein gré avec bonheur. Alors, le plaisir va toujours accompagner quelque chose dans lequel on est motivé de travailler ou qu'on est motivé à accomplir. Donc, l'activité achevée par le plaisir est plus agréable et le mieux achevée. Puis là, on a comme lu le texte en classe, puis c'est tous des enseignants, des directeurs d'école, puis tout. Puis là, on s'est juste posé la question, à la fin, on a dit, est-ce que le plaisir est présent dans le système d'éducation? Est-ce qu'il est présent dans les classes? Puis le plaisir, il est présent. le plaisir est présent le 15 minutes à la fin du cours. quand le prof dit « OK, c'est libre » ou « on va faire un petit mot croisé », mais est-ce que le plaisir est souvent présent dans les activités d'apprentissage? Non. Puis c'est dommage, ça, quand on se rend compte à quel point apprendre de plein gré, de façon autonome, de façon intéressée, comment ça peut donner du plaisir, c'est incroyable. Alors, le plaisir favorise l'activité qu'elle accompagne. Le plaisir en éducation est-il présent? Bon, c'est deux questions. Ça, c'est par rapport à Aristote. C'est intéressant parce qu'on retourne à l'Antiquité. Maintenant, quelque chose qui n'est pas très présent dans le système d'éducation, mais je le vois de plus en plus dans des projets alternatifs, c'est par rapport à ce qu'ils disent en anglais le self-directed learning. En français, on pourrait dire l'apprentissage autodirigé ou l'apprentissage autogéré, tu sais. Mais autogérer, souvent, ça a plus à faire avec peut-être l'autogestion en collectivité, mais l'apprentissage autodirigé, ça définit l'apprenant comme étant le propriétaire, comme étant le gestionnaire de son propre processus d'apprentissage. L'apprentissage autodirigé intègre l'autogestion dans le concept d'apprentissage. L'apprenant doit gérer son environnement, le contexte social, les ressources et les actions menant à son apprentissage. Il doit aussi entreprendre un processus d'auto-évaluation pour expliquer son cheminement, en plus d'évaluer et réguler son développement cognitif. Ça, c'est une couple d'auteurs qui avait fait une recherche là-dessus. Alors, au fond, l'apprentissage autodirigé, c'est donner beaucoup de liberté aux jeunes pour décider de quelle manière il a le goût d'apprendre. On peut résumer ça à, il va décider ce qu'il va apprendre, quoi, comment il va le faire, où et avec qui. Et ça, c'est quelque chose qui est très relié à ce qu'on appelle le « unschooling », qu'on va y revenir dans pas longtemps. Ça, ce que ça fait, l'apprentissage autodirigé, souvent, j'ai pas vu une traduction, mais en anglais, on voit ça en effet « self-directed learning », ça va créer ça la motivation intrinsèque. Quand le jeune a décidé de chacune des étapes de ce qu'il veut faire comme tâche, la motivation va venir par elle-même. Ce que je suis en train de parler, l'apprentissage autodirigé, c'est sûr que ça peut être aux adultes, autant que ça peut être l'enfance, mais oui, ça, ce que je parle. Le fait qu'il va le faire apprendre spécifiquement quelque chose comme lire ou etc. maintenant, c'est autodirigé, dans le sens que. Dans le sens qu'il n'y a pas, on fait l'école à domicile, là, mais il n'y a pas l'école à domicile. C'est vraiment c'est l'apprentissage au jour le jour avec les activités de la journée, que ça peut être n'importe quoi. On ne s'assied pas avec des livres. Tu apprends les mathématiques en faisant, en allant au magasin, puis en faisant du change, puis etc. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu as besoin de. J'ai vraiment dans ma tête l'idée qu'avant d'être ado, là, style 12 ans, il n'y a rien que tu as besoin d'apprendre. Tu peux l'apprendre après en dedans de rien, s'il y a quelque chose que tu as manqué à quelque part. Là. Mais avec mon fils, pour lire, il a toujours adoré la lecture, mais refusé de lire. On négocie depuis le plus jeune âge, on négociait combien de livres j'allais lire à tous les soirs parce qu'il en voulait trop, là, je te préfère. Mais il fallait toujours que ce soit moi qui lis. Il adore le verbal. Parler, il a toujours eu le langage, le même, il comprend des expressions subtiles, là, vraiment raffiné, mais de faire de la lecture, oh mon Dieu, c'est l'enfer du monde, tu sais. Puis, même en lisant d'autres textes de unschoolers qui ont écrit des articles, etc., c'est exactement ce qui est arrivé avec lui, c'est vers l'âge de 10 ans. Il a commencé, puis c'est en jouant sur un jeu Internet où ce que tu fais de la conversation avec d'autres parce que tu vas, puis tu achètes des pièces, tu sais, fait que tu as besoin de... Et puis il commençait à me demander certains mots, là, il voulait savoir comment il plaît, parce que lui, il tapait, puis l'autre, quand il ne catchait pas ce qu'il voulait dire, fait c'était évidemment mal épris. C'est soin, tu sais, c'est que, ouais, c'est ça, il faisait au son. Puis, mais il a appris à lire, puis à écrire pas mal tout. Vraiment, c'est complètement naturel. C'est presque impossible de ne pas apprendre à lire ou à écrire dans notre société. Si quelqu'un ne l'a pas appris, je suis convaincue, c'est parce qu'ils ont été traumatisés à quelque part. Ils ont été forcés à lire ou forcés à quelque chose, à moins qu'il y ait vraiment une affaire. Mais même à ça, toutes les choses qu'on dit qui sont des difficultés d'apprentissage, a lot of labels qui sont vraiment... On est beaucoup plus flexible que ça en tant qu'humain, tu sais, fait que... Faut que ce soit vraiment... Oui, exact. Fait que vers l'âge de 10 ans, là, si on sait sûr, puis ça ne l'intéresse pas plus qu'il faut non plus de lire. Il préfère que quelqu'un lise puis qu'il l'entende. Il aime beaucoup mieux le verbal. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la langue. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de lire. Il est capable de prendre un livre. Puis quand il a commencé, il n'a pas commencé non plus avec des textes de bébé. Là, il a commencé au même niveau, sinon plus, un peu plus haut, ce qui serait rendu. Vraiment intéressant, là. Puis t'as peur au fur et à mesure, par exemple, des fois. Ah, il est encore, my God, ma mère, elle me dit qu'elle va appeler les travailleurs sociaux, parce qu'il rentre dans la maison, elle demande, es-tu capable de lire? Il dit non. T'es capable. Il veut pas lire, il veut pas se faire tester, il refuse. Tu sais, il demande pas de prouver qu'il est capable, c'est quelque chose, pourquoi qu'il a besoin de prouver, tu sais, fait que c'était l'enfer, mais là, ça ne dérange plus, tu sais, c'est une difficulté. Je vais parler un petit peu aussi dans le cadre d'une école, d'avoir cette approche-là dans le cadre d'une école. Je vais parler de Albany Free School, qui est à Albany, dans l'État de New York. Je vais en parler un petit peu plus loin. Mais où ils ont cette approche-là, mais dans une école avec 60-70 jeunes. Puis il y en a des centaines, des milliers dans le monde. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Souvent, on appelle ça des free schools. C'est inspiré de Somerville, qui était une école que je pense commençait début 1900, en Angleterre, peut-être que vous connaissez toutes, là, puis que c'était vraiment, c'est ça, c'était basé sur vraiment laisser le jeune faire ce qu'il voulait. C'était à la campagne, il y avait des jardins, il y avait des grosses bâtisses, puis c'était vraiment le principe de liberté assez totale qui donnait aux jeunes. Avec des ressources, les jeunes faisaient vraiment ce qu'ils voulaient, ou ce qu'ils ne voulaient, tu sais, ils ne faisaient pas, là, rien, ils ne voulaient pas non plus. Mais... Alors, dans Albany Free School, que je vais parler tantôt, j'ai des photos aussi. Donc, le livre ici de Mercogliano, Story of the Albany Free School, on va en parler un petit peu plus. Mais juste dire, il y a un petit texte que j'ai trouvé par rapport au self-directed learning, l'apprentissage autodirigé, où vraiment, où on laisse la personne, on peut dire, se développer dans un environnement fertile, on va dire. Je trouve qu'il y a un petit texte qui est intéressant. Je vais le lire en anglais, celui-là, puis après ça, je vais le traduire en read this in English. If we provide a psychological climate which permits a person to be a student, a worker, or a person in a group, if we let the person be, si on laisse la personne être, juste être, be, comme en italique, we are not involved in a chance event. On n'est pas en train de laisser genre le hasard aller. We are tapping into a tendency which permeates all of organic life. On est en train de donner la possibilité à toute la vie organique, a tendency to become all the complexity of which the organism is capable. Alors, on est en train de laisser, au fond, cet organisme-là, si on le met dans un environnement riche, sain, on est en train de laisser cet organisme-là remplir son plein potentiel. C'est un petit peu ça la vision qu'on donne quand on dit qu'on laisse le jeune un petit peu plus prendre son propre chemin dans un environnement riche. Peut-être que le reste... I believe we are turning into a potent creative tendency which has formed our universe from the smallest snowflake to the largest galaxy. From the lowly amoeba to the most sensitive and gifted of persons. C'est ça. Donc, ça c'est Rogers qui écrit ça. Rogers, c'est un prof d'université qui écrit sur le self-directed learning. Il l'a écrit dans un contexte très large pour les adultes, pour les travailleurs, pas juste pour les enfants. Mais c'est comme un peu, c'est ça, cette vision-là très organique de laisser quelque chose remplir son plein potentiel. c'est Krishnamurti. C'est un auteur, tu sais, ça fait un indien, ça, des livres qui sont assez vieux quand même. Ben, je pense des années 50-60. Puis il a parlé beaucoup du rôle de l'enseignant dans l'éducation, dans la scolarisation. C'est pas des ouvrages académiques, là, c'est plus des ouvrages de philosophie. Là. Et je vais vous lire, c'est en anglais encore une fois. Est-ce que tout le monde, Bernard, Mélanie, en anglais, ça va? Okay. Pas trop vite. Okay. It is the function of the educator to examine deeply his own thoughts and feelings and to put aside those values which have given him security and comfort. Je vais traduire là. Alors, c'est la fonction de l'éducateur de vraiment examiner ses pensées, ses émotions, et de mettre de côté les valeurs qui lui ont donné de la sécurité. Puis en éducation, là, les enseignants, on parle souvent de survie, de sécurité. On fait tout genre pour contrôler la situation souvent quand on est enseignant. Même quelqu'un comme moi, je dirais qu'il a quand même une certaine confiance devant un groupe qui n'est pas intimidé. Puis tu sais, le monde dit, tu es suffisant, les jeunes doivent pouvoir parler de toi, des affaires même. Même quand je rentre dans une classe, souvent, c'est comme la première chose que tu vas penser, c'est sécurité, parce que tu es devant 30 jeunes, pas tout le temps, mais il y en a souvent qui veulent te ramasser dans le groupe. Donc, tu vas penser sécurité. Alors, souvent, ça va être la première chose qu'on va penser. La sécurité. Oui, c'est ça. Puis la sécurité du groupe aussi, à la limite, là. La sécurité de l'ensemble, mais c'est comme la survie, je dirais, la survie, c'est ça, oui. Alors, quand on a laissé de côté ces choses-là, for only then can he help his students to be self-aware and to understand their own urges and fears. Seulement quand on a laissé de côté ses propres sentiments, ses propres pensées, puis c'est les réflexes qu'on a de sécurité, qu'on peut vraiment aider l'élève à être conscient de lui-même, puis l'aider à comprendre c'est quoi, pourquoi il y a des poussées comme ça, pourquoi il y a des peurs. The true teacher is inwardly rich, and therefore asks nothing for himself. He is not ambitious and seeks no power in any form. Alors, le vrai professeur enseignant est riche intérieurement. Il ne demande rien pour lui. Il ne va pas enseigner pour se valoriser lui-même, tu sais. Parce qu'il y a comme il a besoin de parler à quelqu'un, puis la classe, mais c'est la personne à qui il va parler, tu sais. Il n'est pas ambitieux. Il ne veut pas de forme dans quelconque de pouvoir dans une forme quelconque. He does not use his teachings as means of acquiring position or authority, and therefore he is free from the compulsion of society and the control of government. Alors, il n'utilise pas sa position pour avoir de l'autorité, pour avoir un standing, puis il est complètement libre de ce que la société ou le gouvernement veut qu'il fasse dans une salle de classe. If we are vitally interested, we shall not only try to find out what experiments are being made in education in different parts of the world. Si on est vraiment intéressé, c'est qu'en éducation, on ne va pas juste s'informer de ce qui se passe, but we shall want to be very clear about our own approach to this whole question. On va se mettre très clair sur c'est quoi notre approche, puis c'est quoi qu'on va amener comme alternative. And we will take means to create the schools that we want and consider important for our kids. Alors, Krishnamurti, il dit, tu sais, c'est ça qu'on doit réfléchir à ce qu'on veut, être très clair avec ses intentions et ses valeurs, puis ensuite créer les écoles que l'on peut voir pour nos enfants. Le livre dont j'ai pris ça, c'est Krishnamurti, Education and the Significance of Life. C'est ça le titre, là, c'est assez comme droit au but, là. C'est vraiment très bon, je vous conseille ça. Il dit que, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais c'est super simple à lire. C'est de la philosophie très pas légère dans le sens péjoratif, mais dans le sens ça se lit vraiment bien. Education and the Significance of Life de Krishnamurti, qui a écrit sur toutes sortes de sujets comme la paix dans le monde, la spiritualité, etc. Mais il a écrit aussi sur l'éducation. C'est des textes vraiment intéressants. Alors ça, c'est quelque chose d'autre que je trouve d'être vraiment important qu'on doit ramener dans l'éducation. C'est que les enseignants arrivent dans les écoles d'une manière préparée, d'une manière vraiment franche, sachant ce qu'il s'en va faire là. En ce moment, j'ai l'impression souvent qu'on envoie les professeurs à la boucherie, comme je l'ai dit au début, là. Pas préparé, pas sûr de pourquoi je suis là. Puis après ça, c'est trop facile de t'embarquer dans cette roue-là de l'enseignement, qui est courir d'un bord puis de l'autre, de faire des cours le fun, de toute la dynamique, puis t'oublies un peu à un moment donné pourquoi tu es réellement là. Puis c'est peut-être pas ça pour tout le monde, mais moi, personnellement, c'est pour avoir vraiment des relations authentique avec les jeunes, c'est pour les aider, Puis c'est pas pour les contrôler, c'est pas pour leur forcer de la matière, c'est pas pour les surveiller. Puis souvent, je me sentais comme un gardien de prison, puis c'est pas pour ça que je suis là. Puis moi aussi, j'ai beaucoup plus à faire que ça. Mais ça s'appelle le North Star Learning Center. Puis, sur leur site internet, ils ont mis des principes éducatifs qu'eux, ils mettent de l'avant. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça touche à plusieurs choses que j'avais vues avant, puis je vais vous les dire rapidement. Puis ça, c'est encore une fois des principes, je trouve, qu'on devrait ramener dans ce qu'on fait comme projet éducatif. Puis ça, j'en ai une couple de copies s'il y en a qui en veulent après. La première, leur sept principes. Le premier, c'est que tous les êtres humains ont une volonté intérieure d'apprendre. Plutôt que de les persuader, les forcer, il faut les supporter et les aider les jeunes dans leur direction naturelle d'apprentissage. Ça, c'est le premier. Deuxième, l'éducation se fait partout, pas seulement dans les institutions. Souvent, on dit c'est ça, il faut aller à l'école pour apprendre, mais comme on le voit de plus en plus, il y a moyen de le faire. Il y en a qui font l'éducation à domicile, il y a toutes sortes de contextes pour apprendre. Ça peut être dans des milieux de travail, ça peut être en mentorat, etc. Ensuite, le décrochage est correct et normal dans notre système. Plusieurs jeunes sont vraiment misérables à l'école à cause des raisons académiques ou sociales. Puis, au fond, c'est possible de décrocher et d'avoir une éducation vraiment riche à l'extérieur des institutions. Quatrième principe, l'environnement et les circonstances ont un grand rôle à jouer sur les jeunes. Dans le sens que si on change un petit peu l'environnement et les manières d'apprendre, ce qu'on offre comme apprentissage à un jeune, son comportement peut vraiment changer de façon radicale aussi. Donc, c'est pas à cause qu'un jeune ne fonctionne pas dans un environnement qui ne fonctionnera pas nulle part. Ensuite, le quatrième principe, la structure est aussi importante que les mots. Donc, les institutions veulent que les jeunes soient motivés par leur éducation, mais les structures et les cadres empêchent une motivation intrinsèque. Les apprentissages volontaires plutôt qu'obligatoires, la possibilité de choisir son cheminement plutôt qu'un programme, et l'absence d'évaluation et de notes contribue à créer une structure qui supporte la motivation intrinsèque et l'auto-apprentissage. Ça, c'est un point pour moi qui est vraiment qui est super important. C'est ça, il faut vraiment changer la structure, l'organisation scolaire pour qu'il y ait des changements d'éducation. La réforme en ce moment, par exemple, dans le milieu de l'éducation, puis on rentrera peut-être pas là-dessus trop là, parce que c'est super plate, mais la réforme tout de suite, mais... Ouais, les réformes aussi, mais c'est sûr que les réformes ne visent pas à changer les structures. Tu sais, les réformes changent surtout les programmes scolaires, mais l'organisation scolaire reste la même. Il faut changer l'organisation scolaire pour qu'il y ait des vrais changements. Ensuite, un autre principe, les adultes qui travaillent avec les jeunes doivent rendre possible plutôt qu'être sûr que... C'était comme ça disait mieux en anglais, mais en tout cas... On doit rendre possible des possibilités, leur offrir tout un éventail de possibilités, plutôt que... Est-ce que tu es sûr qu'il a appris ses mathématiques? Est-ce que... Allô, Roulinant? Est-ce qu'on est sûr qu'en secondaire 2, il a appris telle matière? C'est pas ça notre rôle, c'est plutôt de rendre possible pour les jeunes. Donc, offrir un support, des possibilités, un soutien technique et moral pour aider les jeunes à naviguer dans une éducation qui est forgée par eux-mêmes. Ensuite, un autre principe, la meilleure préparation pour un avenir riche et heureux et à un sens est un présent riche et heureux et à un sens. Et les écoles, souvent, c'est vu comme un rite de passage, comme passe à travers de... Un rite de passage, il y a des rites de passage plus la bonne que ça. Et souvent, c'est vu comme, tu sais, passe au travers de ça, là, finis ton... Ça fait que, c'est ça, souvent, on dit, tu sais, passe au travers de ta scolarité, même au primaire, souvent. C'est ça, la vie va commencer après. C'est dans... ça fait que c'est vu comme une préparation, l'éducation, comme une épreuve à subir, un mauvais bout à endurer, mais aider les jeunes à trouver leur intérêt, à découvrir leur propre pouvoir d'agir dans le moment présent, c'est la meilleure préparation pour leur avenir. Alors ça, c'est sept principes, j'en ai une couple de copies que j'ai faites. C'est sept principes que j'ai trouvé vraiment qui étaient, comme on dit, là, vraiment, mettaient le doigt dessus beaucoup. Ça, c'est un... C'est au Massachusetts, puis je vais en parler dans juste pas longtemps, mais je vais essayer d'y aller comme... Là, je vais parler un petit peu de projet, mais avant de parler de ce projet spécifique-là, je vais donner un petit portrait un petit peu de l'éducation alternative. Puis je vais en parler du North... Ça s'appelle North Star Self-Directed Learning Center. C'est comme une école, on peut dire que c'est comme une école secondaire, mais qui est complètement sur d'autres bases. C'est super intéressant, North Star, parce qu'on se dirige avec l'étoile, les jeunes se dirigent eux-mêmes. Je peux aller la visiter, j'ai l'intention d'y aller dans les prochains mois. J'ai visité notre école cet automne, c'était cet automne, bon, c'était deux mois, mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Maintenant, oui. Maintenant, on va parler de projets concrets un peu. J'ai parlé de valeurs qu'on doit réinstaurer, selon moi, dans l'éducation. Maintenant, des projets concrets. L'éducation alternative, pour commencer, c'est super large quand on parle d'éducation alternative. On parle du système public, qui est des écoles alternatives. Au Québec, il y a le REPAC, le Réseau des écoles alternatives, le Réseau des écoles publiques alternatives du Québec. Il y a des écoles privées alternatives. Au Canada, il n'y en a pas vraiment, mais aux États-Unis, il y a des écoles alternatives qui sont comme, tu sais, comme même pas cataloguées nulle part, là, tu sais, qui sont off the grid, là, comme ils disent là-bas, là, qui sont pas dans le réseau, qui sont pas officiels ou rien. L'éducation alternative, si on en veut une petite définition quand même, c'est une perspective et non une procédure ou un programme. C'est une façon de voir les choses. C'est basé sur les croyances qu'il y a plusieurs manières de devenir éduqué et aussi plusieurs types d'environnements et de structures à l'intérieur desquelles l'éducation peut avoir lieu. Alors, c'est vraiment très large quand on parle d'éducation alternative. Il faut aller beaucoup plus précis. T'sais, des fois, les gens disent « Hey, connais, moi, je te verrai dans une école alternative. » Je suis comme « Ok, ouais, mais comme quel genre? » T'sais? Parce qu'il y en a beaucoup de styles. Ouais, c'est ça. Je vais plus parler de ce qui se fait présentement parce que c'est sûr qu'on pourrait aller voir, tu sais, dans l'histoire, c'est pas juste aujourd'hui que les écoles alternatives puis l'intérêt pour des éducations différentes se font. Il y a comme toute une histoire incroyable par rapport à ça. Beaucoup les milieux libertaires, anarchistes qui ont fait des écoles. Il y a quelques livres ici que j'ai amené juste pour les vous montrer, puis si jamais vous voulez checker un peu, prendre des références. Ça, c'est The Modern School Movement par Paul Avrich, Anarchism and Education in the United States. Alors, il parle de différents projets éducatifs qui ont été faits aux États-Unis, surtout par des anarchistes au début du siècle. Je ne suis pas sûr de quelle année à quelle année, mais c'est peut-être jusqu'à aujourd'hui. Entre autres, il parle un petit peu de Francisco Ferrer, qui était comme un peu celui qui a parti la première école moderne à Barcelone au début du siècle. C'était une école qui était mixte. À cette époque-là, c'était super rare, les écoles mixtes. Puis aussi, qui a complètement sorti la religion de l'école, qui donnait beaucoup de... Je ne me souviens plus exactement quel type de pédagogie qu'il utilisait, mais il remettait en question vraiment la mainmise de l'État sur l'éducation. Puis il a été d'ailleurs assassiné par l'État pour avoir fait ça. Ils ont essayé de le pogner plein de fois, mais ils ont fait une accusation fausse, puis il a été tué. Ça fait que ça, c'est Francisco Ferrer, puis après ça, lui, il a vraiment inspiré beaucoup de gens, beaucoup aux États-Unis, en Europe, à faire d'autres projets en éducation. Il y a ça, il y a Normand Baillargeon, le prof à l'UQAM, qui a fait une anthologie de 1793-1918 sur différents projets éducatifs qui ont été faits. Puis c'est des textes par 8 ou 9 auteurs différents comme William Godwin, Max Stirner. Ils ne sont pas super connus, mais eux autres, ils ont parti des écoles alternatives. La première école libertaire, je pense qu'il s'appelait La Ruche. Parce que c'était-tu La Ruche? C'était une des premières parce qu'ils finançaient leur école avec des ruches. Parce qu'une ruche, c'est pas vraiment... c'est une autre organisation sociale, une ruche. Mais aussi les textes de Proudhon, de Bakounine, de Kropotkin, de Francisco Ferrer. Alors aussi des gens qui n'ont pas nécessairement parti des projets éducatifs ou travaillé comme professeur, mais qui avaient des opinions sur l'éducation. Ça s'appelle l'éducation et liberté. C'est le tome 1, il devrait avoir le tome 2 éventuellement. Ça, c'est pour savoir un petit peu d'où vient toute cette mouvance-là. Puis il y a des projets super intéressants qui ont été faits en 1920, tu sais, genre... On n'invente rien, mais c'est une lutte qui n'est pas facile quand même de lutter contre les systèmes du gouvernement. Mais il y a des choses vraiment superbes qui sont faites. Puis ce qui est encourageant, c'est qu'il y a des écoles qui existent depuis longtemps, comme l'Albany Free School. Ça fait 40 ans qu'il existe aux États-Unis, puis qui est rendu un endroit qui est quand même une référence, on pourrait dire, là, pour plusieurs personnes. Bon, maintenant aussi, ce que je voulais parler d'autre chose, je voulais parler de l'éducation à domicile un petit peu aussi. Parce que c'est l'éducation alternative, on peut mettre l'éducation à domicile là-dessus aussi. Au Québec, l'éducation à domicile, si je vais faire un petit portrait rapide, c'est environ 2 à 4 000 enfants qui font l'éducation à domicile. Il y a différentes manières de dire l'école à la maison, l'éducation à domicile. 2000 à 4000, c'est en hausse quand même, de plus en plus, on remarque. C'est sublimant savoir, il y a une bonne étude qui a été faite, elle s'appelle Christine Brabant, celle qui a fait l'étude à l'Université de Sherbrooke en 2004, puis elle fait un portrait de l'éducation à domicile au Québec. Elle donne pas, elle rentre pas comme dans les idéologies par rapport à ça, puis tout, mais elle dit, il y en a combien, dans quelle région, puis pourquoi ils ont choisi ça. Puis ce qui est intéressant au Québec, c'est que les gens ont choisi l'éducation à domicile souvent parce qu'ils veulent offrir un projet éducatif différent à leur enfant, des approches éducatives alternatives, mais aussi, ils veulent sortir du système scolaire. Tandis qu'aux États-Unis, il y a comme 2 millions de jeunes qui font l'éducation à domicile, mais c'est la raison principale, c'est les raisons religieuses, parce qu'ils ne veulent pas que leur enfant entende que, genre, la théorie de Darwin ou des choses comme ça, ça fait que c'est plus des raisons religieuses. Au Québec, c'est vraiment plus des raisons, je dirais, des choix familiaux par rapport au type d'éducation qu'ils veulent que leur enfant aille. Oh, oui, vas-y. Je pense qu'on peut être plus, il y a beaucoup plus de gens qui font l'éducation à domicile parce que beaucoup ne sont pas enregistrés en état et que c'est quelque chose qui a grandi comme ridicule, like 15% par année depuis 10 ans. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui a... Ouais, d'ailleurs, c'était pas très précis là, dans son étude de maîtrise, tu sais, c'est comme de 2000 à 4000, là, c'est vrai. On fait l'éducation à domicile, puis on... C'est juste quelque chose que je lis partout comme... J'ai quelqu'un sur le West Island qui fait une liste pour les gens qui font l'éducation à domicile, et elle a plus que 6000 familles à Montréal. 6000 familles à Montréal sur cette liste. Okay. Mais c'est sûr que c'est long en fait les fonds du gouvernement. Exactement. C'est pas tout, mais bien que moi je viens de commencer une groupe pour les questions de l'école et c'est sûr que la plupart ne sont pas enregistrés. Ça fait quand même l'organisme que tu dis? Homeschooling Horizons. C'est un magazine, Homeschooling Horizons. Ok, Homeschooling Horizons. Ils ont enregistré des liens. Ok, ouais, c'est bon. Ils ont jamais enregistré des liens. Parce qu'on ne veut pas être, on veut pas faire les tests, faire les choses. Si on est enregistré avec le système, il faut avoir une entente avec une personne qui est scolaire, par exemple. Alors, la plupart ne sont pas enregistrés, donc c'est vraiment difficile à savoir combien qu'on est. Le point d'évaluation finale de la nuit. Si on n'est pas enregistré, on ne fait pas d'examen. Si on n'est pas enregistré, il faut faire une entente avec le conseil. En tout cas, ouais. I think there's a lot more than two or four times. Ouais, c'est ça. Ça, c'était l'étude qui a été faite en 2004. Ça, elle dit entre autres que c'était difficile d'avoir un chiffre aussi. Ça augmentait. En tout cas, aux États-Unis, ça augmente de plus en plus. Le système, par exemple, le gouvernement est plus ouvert ailleurs qu'au Québec. Oui, dans les différentes provinces, d'une province à l'autre, effectivement. Déjà une province à l'autre, puis de Canada aux États-Unis, grosse différence. Ouais. Québec est vraiment en arrière. Si on compare à Ontario, on m'a déjà dit, quelqu'un qui est vraiment, qui a fait l'école à domicile, puis elle enseigne aux gens de faire ça depuis le début, puis elle dit, on est à peu près 20 ans en arrière. Oui. Ah oui. Tellement, tu sais, les commissions scolaires. En tant que l'ouverture puis la compréhension de ce qu'on fait, etc. C'est vraiment. Les menaces, on est 20, 25 ans. Ah oui, hein, les menaces. Tu veux dire la commission scolaire? Oui, la commission scolaire. Et les écoles et tout. Quel genre de menaces? Maintenant, veux-tu vraiment discuter du système? Bullying. Bullying. That's the word. You're trying to convince me to put my child back into a school where you're telling me it's okay to be bullying me. Like, it makes no sense. En tout cas, c'était ma première expérience avec la part de taxage. Mais au Québec, le système, c'est que si tu es enregistré, tu es supposé être enregistré avec la commission scolaire, ça devient la responsabilité de la commission scolaire de faire un suivi que tu donnes une éducation équivalente à ce que le système. Ça, tu peux avoir un débat pendant la semaine. Oui. Tu dois t'enregistrer avec la commission scolaire. Elle choisit de te donner permission de faire l'école à domicile. Si elle décide autrement, normalement, tu signes un contrat avec eux qui ont toutes sortes de règles, de choses pour que tu suives, puis eux autres peuvent décider que tu ne fais plus l'école à domicile. Puis tu connais pas. Comment Pas nécessairement le connaître, mais que toi, tu prouves que ce que tu enseignes, mais ils peuvent décider que pour une raison ou une autre, tu n'as pas l'air à savoir ce que tu fais, puis mais si tu ne si te mets pas d'accord avec ta commission scolaire, eux, ils ne font pas d'autres suivis. Ce qu'ils font, ils prennent ton nom, puis ils le donnent à la DPJ. Il n'y a pas de négociation entre, il n'y a pas de médiation, les familles n'ont aucun autre recours que de faire avec la DPJ. La DPJ peut rentrer ou pas, ça dépend. Ben c'est ça, ils vont rentrer puis ils vont dire, OK, ça c'est un autre cas, c'est juste la papeterie entre eux autres et la commission scolaire, par rapport à nous autres, mais tu sais jamais. Puis si l'enfant a des difficultés d'apprentissage ou qui ont d'autres difficultés physiques ou intellectuelles, ils vont s'en mêler, ils vont s'assurer que l'enfant est bien. C'est la DPJ qui fait le suivi. C'est la DPJ. Tu fais affaire de la DPJ. Maintenant, tu es dans le système de la DPJ juste parce que tu faisais l'école à domicile. Ouais, ouais. Alors, si tu t'enregistres. Mais si tu t'enregistres pas, puis quelqu'un te dénonce aussi, là. Mais ça arrive moins. Alors, si tu n'as jamais ton enfant à l'école, c'est correct. C'est correct. Si tes voisins te disent qu'il n'y a pas des PJ, là, puis normalement, de nos jours, eux autres, ils présument que tu es enregistré, ils ne savent pas, si tu ne leur dis pas trop. Là. Oui. Il y a beaucoup de monde qui, comme moi, mes enfants ne sont même pas de l'âge de l'école, mais I'm a homeschooler because they'll never go to school, you know? Et then you have problems. Si tu décides de faire du homeschooling, puis, ils font un suivi, passer des tests à la fin de l'année, c'est ça ou non? Ça dépend de ta commission scolaire, parce qu'ils ont vraiment des directives différentes, sauf qu'à cause que ça grandit tellement vite, que le ministère de l'Éducation panique un peu, puis commence à maintenant, ou je ne sais pas s'ils ont déjà fini leur interprétation de la loi à donner à chaque commission scolaire, parce qu'avant, il y a à peu près la moitié qui était super fin, puis l'autre moitié était vraiment difficile. Puis ça dépend vraiment de eux. Tu peux soit faire... Vraiment, dans le fond, soit tu vas faire les examens, eux autres veulent que tu viennes à la commission scolaire, mais tu n'es pas obligé. Tu peux essayer de les forcer à venir à toi, mais ils n'ont pas l'argent pour faire ça. Okay. Fait que, il y a aussi, tu as le choix de faire juste un portfolio, puis de soumettre le portfolio, puis montrer qu'ils sont rendus où, mais eux autres, pour que tu sois... Après, c'est eux autres qui évaluent le portfolio. Ils n'ont pas le temps de faire un portfolio, ils veulent multiple choice. Ils n'ont pas les portfolios, ouais. Puis, ou bien tu peux faire évaluer par une troisième partie et puis envoyer l'évaluation. Tu n'es pas obligé d'aller avec ça. Il faut juste faire une entente avec la commission. Ça dépend de ta commission. Et ça, d'un parent à l'autre, ça va être unique et différent. Il y a des standards. Est-ce que je suis en train de se lever, ne pas faire affaire avec la commission scolaire? Oh mon Dieu, fais pas affaire avec la commission scolaire. Pas de support, juste mal à la tête. Ben, c'est sûr. Oui, non, il n'y a pas de support. Puis, il y a des associations juste pour soit pour rassembler les enfants, faire des activités ensemble, ou bien juste pour des parents, pour du sport, etc. Oui, est-ce que les enfants sont bien avec ceux qui vont à l'école, ceux qui ne vont pas à l'école, qui vont à l'école? Oui, oui, oui. Bien, moi, à ma connaissance, tous les enfants que je connais, ah oui. C'est des enfants très sociaux. Non seulement avec les autres enfants, mais n'importe quel âge, ils sont sociaux avec les plus jeunes puis jusqu'aux adultes. Ils n'ont pas les mêmes difficultés de relation avec les différents âges que tu vois avec les enfants qui sont gérés juste dans leur groupe, là, de ce âge-là, c'est pas du tout. Okay. Mais la loi sur l'instruction publique au Québec de dit qu'on a le droit de le faire. Oui, tu as le droit. L'éducation à domicile, c'est écrit dans la loi. Puis il y a une petite phrase qui n'est pas correcte entre l'anglais et le français, ça n'a pas été bien traduit ou quelque chose, c'est que les Anglais ont un petit peu plus de liberté que les francophones, techniquement, là, dans la loi. Mais la loi, c'est juste deux lignes. Hein. Il y a une loi qui est dans la loi de la DPJ, puis une loi qui est dans l'éducation qui dit que tu as le droit de le faire. Puis entre ça, c'est vraiment, il y a quatre phrases. Là, c'est vraiment, puis il y a de l'interprétation à faire là-dedans. Mais il n'y a pas vraiment de cas qui arrivent. faire l'interprétation. Je sais pas faire la recherche là-dessus, là, mais. Bonne question. Je sais pas. Bonne question, ça doit. Mais c'est quoi, là, tu dis qu'ils vont interpréter la loi avec Worldview, là, c'est qu'est-ce qu'ils essaient de mettre? Ben vraiment, ils mettent toutes sortes de restrictions, comme moi, quand j'ai parlé à ma commission scolaire, elle me donnait toute une liste d'affaires qu'il fallait que je fasse, puis j'ai dit, mais ça, c'est pas la loi, ça, c'est vos interprétations, puis vos demandes, elle comprenait même pas la différence, elle, entre la loi et l'interprétation, là, c'était comme... Elle a cassé, oui, exact, elle est la loi. C'est ce qu'on lui dit. Fait que si elle a se fait dire, tu as besoin de demander si, selon elle, ben, c'est la loi. Non, c'est pas écrit dans la loi, tu as besoin de faire ça. Tu as besoin de prouver que je fais. Moi, j'ai fait affaire avec la commission scolaire. Là, ils m'ont perdu à quelque part, mais je ne sais pas comment. C'est pas difficile de se faire perdre non plus quand t'enlèves ton enfant par après. Ils sont tellement dans ta papeterie qu'ils te perdent éventuellement. Si t'as pas été malchanceux et t'as retrouvé dans des PJ, I'm in limbo, je suis bien chanceuse. Puis j'attends qu'ils me retrouvent. Mais c'est ça, eux autres, pour eux autres, c'est la loi, mais tu dans le fond. Mais personne, il n'y a pas de cas public, ça s'en va pas dans les cours pour pouvoir changer quelque chose. C'est vraiment, ça reste. C'est la discours, ça reste comme ça. Ouais. Les gens se cachent. Ceux qui font l'école de... Moi, je suis un petit peu plus radicale dans le sens que quand ils vont me trouver, je suis prête à y faire face puis à confronter la situation. Mais je trouve que beaucoup de ceux qui font l'école à notre domicile, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent juste faire ce qu'ils ont à faire avec les enfants. Puis c'est correct, je dis pas que c'est pas correct, mais juste pour comparer, tout le monde fait. Puis dans ceux qui font l'école à domicile aussi, il y a de toutes les sortes. Il y a ceux vraiment qui prennent l'école puis qui font ça à la maison. Puis à l'autre extrême, comme moi qui fais unschooling. Puis il y a tout entre. Les eclectics, ça s'appelle ceux qui font un peu de tout. Un peu d'école, là, avec les cahiers, etc. Puis beaucoup de autres choses. Est-ce que ça veut dire que les deux parents participent à ça? Je dirais que la plupart, moi, que je connais, il y a plus un parent. Qui fait le grosso modo, là, mais souvent, ouais, souvent la mère, mais pas toujours. Puis, il y a beaucoup de pères qui offrent des petits cours, des fois aussi, pour, même pour d'autres enfants, là, qui font l'école, là, puis c'est fun. Mais c'est, ouais. L'éducation à domicile, c'est vraiment intéressant, parce que quand on se met un peu à vouloir aller outre le système public ou les écoles privées, là, dans ce cas les institutions, c'est comme la première étape sur laquelle je pense on tombe. On se dit, bon, ben, je vais retirer mon enfant de l'école, je vais faire l'éducation à domicile. Alors, tout de suite, je pense que c'est quelque chose qui est tellement riche, c'est quelque chose qui est très diversifié. Comme tu disais, il y a différentes manières de le faire aussi. Il y a le homeschooling, l'éducation à domicile, mais le unschooling, qui est une manière beaucoup plus libre de faire l'éducation, puis qui se repose sur ce que je parlais tantôt, le self-directed learning, l'apprentissage autodirigé. C'est l'enfant qui décide comment, avec qui, quand il veut faire les apprentissages. Donc, c'est deux manières de faire différentes. Un auteur super intéressant, qui est une référence aux États-Unis, en tout cas pour le homeschooling ici aussi, c'est John Holt. Ça s'appelle, mais il y a plusieurs livres, celui que j'ai, c'est « Instead of Education ». Il explique, au fond là-dedans, il explique, je n'ai lu une couple, mais c'est ça que j'ai lu. Il explique au fond pourquoi, selon lui, il faut faire l'éducation à domicile, mais d'une manière beaucoup plus libre, en laissant à l'enfant décider de ses apprentissages. C'est quoi? C'est « Ways to help people do things better ». Puis il dit comment c'est ça quand on fait nous-mêmes notre apprentissage, qu'on fait les choses beaucoup mieux, qu'on est plus heureux là-dedans, qu'on est plus motivé. Alors, John Holt, c'est une référence par rapport au unschooling aux États-Unis. Oui. Il y a aussi un autre livre qui s'est inspiré entre autres de ça, mais c'est un livre qui est assez connu, qui se promène, on le voit dans les bibliothèques un petit peu partout, ça s'appelle Guerrilla Unschooling. Je ne l'ai pas amené avec moi. C'est par Lewin. Grace Lewin, c'est ça. Guerrilla Learning. C'est pas Guerrilla Unschooling? Ah, c'est Guerrilla Learning? OK. Puis, c'est un livre où elle, c'est une enseignante qui a comme décidé de, de quitter arrêter d'enseigner dans une école publique. Puis elle écrit un guide aux jeunes, puis elle leur dit, tu sais, c'est écrit sur le livre, ce livre est très, très, très dangereux, car vous allez comprendre que vous pouvez quitter l'école et créer vous-même votre vie et apprendre vous-même de différentes manières. Puis le livre, c'est comme c'est assez gros, mais c'est plein de conseils comment dire à ses parents qu'on veut quitter l'école, comment se faire une horaire, comment parler aux autorités, genre à la commission scolaire, puis pourquoi elle a décidé de quitter le système public, etc. C'est très pratique, là, quand même, comme petit guide, mais c'est super amusant, puis c'est un livre vraiment pour les ados. Tout le monde peut lire, là, mais c'est fait pour les ados. Guerrilla Learning, ou en tout cas, je pensais que c'était Guerrilla Schooling, mais Guerrilla Learning. Donc, c'est un autre livre intéressant. C'est sûr que, puis je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt par rapport à l'éducation à domicile, par rapport au unschooling, puis c'est vraiment bien. Moi, j'ai décidé de diriger un petit peu plus mes recherches. Je suis comme revenu après ça un petit peu aux écoles. Parce que, bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai travaillé dans des écoles, puis j'ai aimé ça quand même, le sentiment de groupe, le travail d'équipe aussi entre les enseignants. J'ai trouvé des choses quand même, parfois, positives. Puis je me suis rendu compte aussi que parfois, il y a des gens qui font l'éducation à domicile, puis pas toutes, bien sûr. Il y en a qui sont très heureux là-dedans, mais il y en a parfois, soit qu'ils le font parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres options. Parfois aussi, il y a des gens qui peuvent le faire un peu, mais pas aussi longtemps qu'ils voudraient pour des impératifs économiques, etc. Ça fait que je crois qu'on ne peut pas juste dire, OK, je crois que tout le monde devrait devenir des profs à la maison, faire l'éducation à la maison avec leurs enfants. Ça serait le fun, mais je pense que ce n'est pas pour tout le monde, c'est pas accessible à tout le monde. Donc, je me dis qu'à quelque part, peut-être qu'il en faut des écoles. On est obligé de les appeler des écoles, je ne sais pas, mais il faut des lieux, je crois, où les jeunes peuvent se rassembler, faire des apprentissages ensemble, puis où des gens aussi, des personnes de ressources peuvent travailler avec ces jeunes-là. Je crois que c'est quelque chose d'autre sur lequel il faut travailler, sans dire que l'éducation à domicile n'est pas importante, c'est très important. Je crois qu'il faut plus d'alternatives. Ce que je dis au début, c'est que le paysage de l'éducation au Québec, c'est super homogène comparé à d'autres endroits aux États-Unis ou au reste du Canada. On a un système, c'est peut-être une petite analyse rapide, là, mais on a un système qui est quand même, comparé peut-être aux États-Unis, qui est plus financé, qui est, entre guillemets, potable, dans le sens que, bon, il n'y a pas des meurtres dans les écoles à chaque semaine, peut-être comme à New York, etc. Les élèves ne sont pas en danger, parce que quand je suis allé, par exemple, visiter l'école Albany, c'était les détecteurs de métal. Je ne suis pas allé dans l'école publique, mais l'école publique était super dangereuse. J'ai rencontré du monde qui était allé et qui avait décidé de quitter parce que c'était comme invivable. Donc, au Québec, je crois que notre situation n'est pas aussi urgente, pas aussi pressante. Les écoles sont comme correctes, tu sais. Tandis qu'aux États-Unis, souvent, les écoles étaient tellement mauvaises, les écoles publiques, que les gens se sont dit, on n'a pas le choix, on fait nos propres écoles. Ils sont battus contre la loi aussi pour pouvoir ouvrir leurs propres écoles, ce qu'on appelle des charter schools. Donc, c'est comme un peu des écoles qui présentent des projets à une commission scolaire, puis une commission scolaire en choisit deux ou trois dans ça, puis donne du financement à ces projets-là. Ça peut être une école secondaire basée sur le bouddhisme, ça peut être toutes sortes d'affaires, mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe. Ici, on a des écoles publiques, on a des écoles privées. Puis les écoles alternatives sont presque, quand on parle plus d'alternatives dans la pédagogie, font partie du système public. Beaucoup des écoles primaires, il y a quelques écoles secondaires aussi, puis surtout dans la région de Montréal. Il y en a une ici à Montréal qui s'appelle Le Vitrail. C'est une école que Charles Caouette était un des fondateurs. Ben lui, d'ailleurs, il a ouvert aussi des écoles Jonathan, des écoles primaires Jonathan, des écoles alternatives. L'école, moi je vais parler, moi j'enseigne au secondaire, ça fait que j'ai souvent tendance un petit peu plus à parler de l'âge adolescent. C'est aussi un groupe d'âge avec lequel j'ai tendance souvent, quand je pense à mes projets, j'ai souvent tendance à penser aux adolescents. Mais c'est ça, Le Vitrail, c'est une école alternative où on laisse quand même une certaine liberté aux jeunes. C'est une école qui fait partie de la commission scolaire de Montréal. Ça ressemble à une école, physiquement, ça ressemble à une école, mais les jeunes choisissent un petit peu plus leur horaire, peuvent se promener d'un local à l'autre, peuvent aussi rester dans le local de pause puis absolument rien faire pendant toute la matinée ou pendant trois semaines s'ils veulent. Ils se font, par exemple, ils se font talonner, je pense, c'est le cas. Là. J'ai juste passé une demi-journée là-bas. Mais c'est une école, c'est ça. Charles Caouette, il a écrit quelques livres, dont « Éduquer pour la vie », qui appelait des changements profonds dans le système d'éducation. Je crois que Mais l'école de vitrail, c'est quand même un projet intéressant. Moi, j'ai trouvé ça drôle parce que quand je suis allé au vitrail, je revenais d'une semaine à une école secondaire que je suis allé visiter à Albany, à New York, dans cette petite ville-là qui est la capitale de l'État de New York, qui a le Albany Free School, qui est une école primaire qui fonctionne depuis 40 ans. Une école, on pourrait dire, en pédagogie radicale. Ça a évolué avec les années, mais c'est un projet qui inspire vraiment beaucoup les gens d'un petit peu partout dans le monde. Quand j'étais là, d'ailleurs, il y avait des gens d'un petit peu, il y avait des gens de la Finlande, de différence du Canada, de Toronto, etc. Puis il y avait aussi l'école secondaire, qui est la continuité de cette école primaire-là, le Albany Free School. Puis l'école secondaire, elle s'appelle le Harriet Tubman Free School. Et je vais parler un petit peu du Albany Free School en premier. L'Albany Free School, premièrement, tu débarques à Albany, puis c'est dans le quartier, dans le ghetto. C'est dans le quartier le plus pauvre d'Albany. C'est un super beau quartier, mais qui ressemble quasiment aux maisons sur le plateau un peu, là, toutes des façades en pierre souvent. Mais c'est vraiment délabré. C'est surtout des Noirs, des Latinos qui vivent dans ce quartier-là. Puis, dans les années 60, il y a quelques gens qui ont décidé de s'installer dans ce quartier-là, puis qui ont décidé qu'ils voulaient partir une école parce que le système public était trop mauvais. Puis, donc, ils ont acheté une bâtisse pour faire l'école. Ça a commencé avec quelqu'un qui faisait l'éducation à domicile avec son enfant. Ses voisins ont dit, j'aimerais ça aussi que mes enfants aillent faire l'éducation avec toi à la maison. Elle s'est commencée avec genre 10 enfants après un an, puis elle a dit, on part une école. Son nom, c'était Mary Lou. C'est ça, Mary Lou, exactement. Puis, finalement, ils ont acheté une bâtisse d'Albany, puis ils ont acheté finalement comme quasiment la rue au complet. Là. Ils ont acheté plein de bâtisses parce que les maisons se vendaient 500 000 $. Puis les professeurs ont commencé à s'installer dans ces bâtisses-là. Ils ont commencé à les louer pour financer l'école. Ça, d'ailleurs, le financement des écoles alternatives, c'est un gros problème. Les écoles fonctionnent 1, 2, 3 ans, puis là, il n'y a plus d'argent à ramasser nulle part d'un collecte de fonds, puis l'école ferme. Là-bas, ils ont vraiment trouvé une bonne manière. Ils sont arrivés à un endroit où les maisons se vendaient vraiment pas cher. Puis là, maintenant, le projet s'autofinance avec les appartements qu'ils louent près de l'école. Je dirais l'idéologie sur laquelle ils ont basé cette école-là, c'est que c'est comme depuis, je parle depuis le début un petit peu, le self-directed learning, l'apprentissage autodirigé, l'enfant qui est au centre, puis les adultes qui sont un petit peu autour, puis qui lui offrent des possibilités, mais qui ne vont pas le diriger, qui vont laisser prendre sa propre direction. Les adultes étant des parents, des enseignants, des gens qui travaillent dans l'école, là, c'est pas juste n'importe qui. C'est une école. On arrive là, puis ça ressemble à une petite école primaire, sont environ 60-70. Il y a comme trois étages, ouais. On arrive au premier étage, puis c'est une grande pièce. Tu rentres là-dedans, c'est comme si les enfants font ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent là-dedans. Il y a plein de jouets, plein de bois, des tricycles. Puis c'est vraiment, c'est le chaos, là. C'est vraiment le chaos total. C'est rien que c'est bruyant. Les enfants, ça va d'un bord puis l'autre. Puis les adultes sont souvent sur le côté. Puis ils vont observer. Ça fait que, puis tu sais, c'est très coloré. Il y a beaucoup de jouets à leur disposition. Avec les tout-petits, moi, j'ai passé quelques journées à cette école-là, puis le matin, il y a quand même une réunion. Les plus petits vont se rassembler, vont dire un peu ce qu'ils ont fait, on va dire, la veille, ou dire ce qu'ils ont à dire, puis après, ils disent ce qu'ils veulent faire pendant la journée, souvent. Par l'enseignant, par eux. Ils sont une couple de professeurs avec les plus petits, puis c'est ça, ils se passent, des fois, ils se passent un bâton, une plume, etc. Puis c'est une petite discussion, juste pour, tu sais, mettre les choses à jour. Mais déjà, on voit un peu là, le fait de se mettre en rond, d'écouter les autres. Puis j'étais vraiment surpris de l'écoute des enfants qui sont très jeunes, un envers l'autre. Là. C'était assez surprenant. Alors c'est ça, ils parlent, c'était assez bref quand j'ai vu ça. Puis après ça, c'est comme, OK, tout le monde a parlé, on joue. Là, tout le monde en parle. Là, c'est comme là, c'est, ça part, là, ça, t'étais là. Ça part, là, vraiment, là, ça fait... C'est ça, moi, j'ai vu comme la présence de l'adulte, un peu comme l'adulte étant là, regardant un petit peu du coin de l'œil pour peut-être vraiment des cas plus extrêmes, mais quand même, il y a beaucoup de liberté aux jeunes, là, à l'enfant, pour jouer, pour même se battre. Des fois, tu sais, ils ont... d'ailleurs, ils en parlent un petit peu dans ce livre-là, les résolutions de conflits. laissent les jeunes aller assez loin là, pour résoudre leur conflit eux-mêmes. Là. Et, d'ailleurs, ils ont été critiqués comme étant une école où ils encouragent les jeunes à se battre pour régler leur conflit. Ils n'ont jamais encouragé, mais ils ont quand même une philosophie où ils laissent les jeunes jusqu'à un certain point le plus possible régler leur conflit entre eux. Ça fait partie de toute la philosophie un peu du laisser-aller, que les choses vont s'arranger de par elles-mêmes. Alors, c'est ça. Puis, une fois, j'ai vu, je peux vous donner un exemple concret, j'ai vu deux enfants qui se rentraient dedans avec les tic-tics. Les tic-tics sont là depuis 40 ans. C'est des vieux tic-tics en métal. Ils sont... Puis tout le monde veut jouer dessus. Les jeunes se rentraient dedans. Puis à un moment donné, ils sont levés. Puis ils ont commencé à se donner des coups de poing. Les adultes étaient à côté, puis ils ont regardé un peu. Ils ont regardé, les jeunes étaient environ de la même force, de la même grandeur. Ils ont laissé un petit peu s'approcher, puis à un moment donné, c'est devenu plus violent. Ils sont venus, ils ont fait « Ok, on arrête ». Mais pas plus que ça. Puis les jeunes ont commencé à s'engager. J'ai vu le prof, je suis pas allé genre voir là, avec la caméra toute proche, mais le prof les a laissés pas mal résoudre ça par eux-mêmes. Ils sont partis, ils ont recommencé à jouer ensemble, puis ils sont partis, nanana, puis c'est vrai, parce que 20 minutes plus tard, j'ai regardé dans le coin, puis ils étaient comme en train de s'embrasser. Sa bouche, c'était des petits gars de 5-6 ans. Puis je vois un autre jeune qui arrive, il fait comme, hey, qu'est-ce que tu fais avec les gars? Puis tu sais, là, ils ont discuté les trois, puis, hein? Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé, tu sais, c'est des exemples que je fais, mais je trouve que ça rempeignait bien toute l'ambiance, toute la philosophie de cette école-là qui est basée sur la confiance envers les jeunes, sur la confiance que les jeunes vont trouver eux-mêmes les solutions aussi à leurs problèmes, qu'ils vont trouver eux-mêmes la voie vers ce qui les intéresse. J'ai aussi vu d'autres choses super intéressantes. Il y a des special counsel qui sonnent une grosse cloche quand il y a quelque chose pour toute l'école. Puis le matin, j'étais là. Il y a l'oncle d'un des élèves qui était décédé, quelqu'un qui était très impliqué dans l'école, qui était décédé la veille, je ne sais pas comment, je n'ai pas voulu savoir non plus, mais c'est un quartier où c'est rock'n'roll un peu là, quand même, là, c'était coin-là. Puis ils ont fait une réunion, toute l'école, ils se sont rassemblés ensemble, 60 de jeunes, je pense, avec les profs. Puis ils ont expliqué la situation, puis ils ont chanté une chanson qu'ils ont l'habitude de chanter, je pense, dans des moments joyeux ou tristes. Puis ensuite, c'était comme pour vivre ce moment-là ensemble. Puis c'était le jeune qui avait demandé, qui a dit « J'ai besoin de vivre ça avec l'école. J'ai besoin de vivre ça avec ma famille. » Puis cette école-là, c'est une famille. Puis finalement, ça s'est terminé. Puis tous les jeunes, beaucoup de jeunes sont allés le voir, puis ils le tenaient dans leurs bras, etc. Alors, c'était vraiment un sentiment d'amitié puis de famille que j'avais de la misère à imaginer voir dans une autre école. Je ne dis pas que dans une école, les jeunes n'ont pas tous 5, 10 amis, là, mais qu'on sente toute l'école se rassembler autour de ça, puis j'ai trouvé ça, j'ai vraiment trouvé ça beau. Aussi, ça c'est pour les plus jeunes que je parlais, mais en bas, c'est comme plus séparé en classe, en locaux, il y a un local informatique, il y a un petit gymnase, mais un petit local plus pour l'activité physique, on peut appeler un dojo, là, peut-être, là. Puis j'ai vu des filles qui avaient décidé de faire un petit cours de yoga. Des petites filles de peut-être 8-10 ans là, qui faisaient du yoga ensemble. Il n'y avait pas de prof là pantoute. Tu sais, puis qui faisaient un cours de yoga, je trouvais ça vraiment super. L'école, puis ça je le disais souvent avant quand je travaillais dans le système public, surtout quand j'ai travaillé à Montréal où je me sentais souvent quasiment menacé dans cette école-là où je travaillais. Je disais l'école appartient aux jeunes. Les autres, les profs, on rentrait là, puis c'était comme on se checkait. Là, tu tournais rarement le dos aux jeunes. Là. Puis je disais souvent, hey, cette école-là, on ne contrôle pas en tout. Hein. Les jeunes, ils pourraient là, nous mettre dehors puis contrôler cette école-là s'ils voulaient, la direction, les profs puis tout. Puis c'était dans le sens négatif que je disais ça dans ce temps-là, parce que c'était une dynamique de confrontation. Tandis que là, j'avais l'impression que l'école appartenait réellement aux jeunes, et d'une façon super positive. Je suis rentré la première journée, je suis arrivé, puis c'était la fin de la journée, puis c'était des jeunes qui m'ont vu. Ils ont fait, ah, salut, t'es qui toi? Ok, ouais, est-ce qu'ils te cherchent, Renan? Puis c'est des jeunes qui m'ont dirigé d'une façon là, vraiment naturelle, comme s'ils m'accueillaient chez eux. Je vais juste parler un petit peu de la communauté autour de cette école-là. C'est super spécial parce que ce quartier-là autour de l'école, c'est environ peut-être, je sais pas moi, 4 pâtés de maison. Comme je le disais, c'est assez pauvre. Ça, ce que ça fait, c'est que les loyers sont pas chers, les maisons sont pas chères. Donc, plusieurs artistes, militants, parents, toutes sortes de gens qui veulent être impliqués dans ce projet-là ont pu s'installer autour. Donc, tout le monde est comme tu sais, c'est ridicule, vraiment. C'est comme, je m'en vais chez telle personne, c'est tout proche, là. J'ai pas vu personne qui habitait vraiment plus loin. Il y a des jeunes qui viennent de l'extérieur, mais toute, je dirais, la communauté qui va être au centre de ce projet-là est autour. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant, qui fait que ce projet-là, selon moi, fonctionne aussi bien. Comme quand je suis arrivé, par exemple, tu sais, ils m'ont trouvé il y avait une fille qui était partie en vacances, puis ils m'ont donné les clés de l'appart, ils ont dit, tiens, c'est ça l'adresse, bon, on s'en va demain, tu sais. C'était comme, puis ça, c'était juste, j'avais communiqué avec la directrice de l'école, puis elle avait une liste, elle avait écrit un petit courriel, il y a un gars qui s'en vient de Montréal, nanana, on peut-tu avoir un appart ou une chambre pour lui, deux, trois personnes qui ont répondu, la clé dans la boîte aux lettres, tu sais. Juste pour dire un peu toute l'ambiance de cette place-là, c'est vraiment l'entraide, la collaboration. Sauf que faut que, tu sais, j'avais déjà des communications avec ces gens-là, puis ils voyaient que j'étais quelqu'un de sérieux quand même dans ma démarche et tout, mais c'était le sentiment de la communauté, selon moi, là, c'est la force de la communauté, faisait que, selon moi, le projet avait fauté pareil, ça avait fauté comme ça. Beaucoup des parents avaient été à l'école eux-mêmes, des professeurs avaient été à l'école. Quoique, il était très ouvert aux gens de l'extérieur aussi. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'école secondaire. Celle-là, ça fait juste 2 ans qu'elle est ouverte, par exemple. Ça s'appelle Harriet Tubman School. Harriet Tubman, c'était une femme qui était esclave début des années 1800. Puis, ouais, des années 1800, elle a fait le Underground Railroad. Elle a réussi à libérer, je pense, 300 esclaves noirs aux États-Unis, quelque chose comme ça. Puis, c'est ça, c'est une figure là, très, très importante pour les Noirs, là, les Afro-Américains. Puis, ils ont décidé de donner ce nom-là à l'école parce que c'est dans un quartier très multiethnique, Albany. Harriet Tubman, c'est ça fait 2 ans. Donc, c'est un projet qui est en train de naître. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. En plus que ça naisse, puis que je puisse un peu le voir, comment ça, c'est en train de se former. C'est sûr que moi, je trouve ça super intéressant, l'âge travailler avec les adolescents, parce que je trouve qu'il y a beaucoup moins de possibilités en termes d'école alternative, d'éducation alternative pour les ados. Je sais pas, je pense que les ados nous font peur, puis des fois avec raison. Ce sera pas tout le temps évident, mais quand même, je pense qu'il faut développer des projets pour eux, parce qu'ils sont à un âge où ils ont besoin d'être exposés à plein de possibilités, au lieu d'être souvent mis sur un chemin, de dire, regarde, passe au travers de ça, là. Ils ont besoin d'explorer, d'avoir beaucoup de ressources à leur disposition. Harriet Tubman, c'est environ 30 jeunes, 35 jeunes. Juste pour dire, ces projets-là ne sont pas financés par l'État du tout. Quand je suis entré là, ce qui m'a surpris le plus, c'est la diversité dans les élèves. Multiculturelle, premièrement. À moitié gars, à moitié filles, plus ou moins. La question de genre était super importante à l'école secondaire. Harriet Tubman, là, on va appeler ça de même. On sentait que les jeunes étaient dans un espace où ils se sentaient à l'aise de s'exposer. Ils étaient une trentaine, là, de vivre vraiment en famille, de se confronter à la limite aussi. J'ai beaucoup entendu parler de la question de genre, entre autres. J'ai vu des travaux qui avaient été faits là-dessus. Ça, c'est une maison. C'est une maison, au fond, qui a été prêtée par la ville, plus ou moins, sur 3 étages. Ça ressemble à un bloc appartement, plus ou moins, là. Puis, premier étage, c'est un grand salon. J'ai des photos, d'ailleurs, que je pourrais peut-être vous montrer tantôt. C'est un grand salon qui... il y a des divans. Les jeunes peuvent comme rester là pour la réunion du matin. Puis après ça, c'est différents petits locaux, une bibliothèque, un salon d'informatique, etc. Il y a des jeunes, entre autres, tu sais, ils se laissaient la liberté, par exemple, tu sais, s'il y avait un couple, une fille, de s'embrasser, mais aussi s'il y avait des couples du même genre, du même sexe, aussi... C'est la première fois que je voyais ça dans un endroit d'ado, là, où on se permet d'embrasser, quand on est homosexuel, d'embrasser quelqu'un du même sexe. C'est la première fois que je voyais ça. J'ai trouvé que c'était assez... moi, j'ai trouvé ça, je veux dire, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, ça dépend de comment on voit un lieu public, là, mais quand même, ça m'a permis de voir qu'il y avait une certaine tolérance entre les gens. Puis aussi, il y avait toutes sortes de styles vestimentaires. Tu sais, t'avais l'ado, tu sais, qui débarquait du primaire, il y avait le bas qui avait l'eau dans le câble avec les bas blancs. Puis à côté, t'avais la fille qui me disait, hey, tu viens de Montréal, j'étais allé en 2004 pour telle manifestation, je me suis fait arrêter, tu sais, puis tout ça. Ça fait que t'avais vraiment une diversité aussi dans l'âge, mais la maturité, les expériences. Moi, j'ai vu ça un peu comme une maison de jeunes un peu bordélique, une maison de création. où on faisait de la création, où on voyait beaucoup de dessins, où on se faisait des tresses quand on avait un moment libre. Les moments sont tous libres. La discussion, il y avait beaucoup d'écriture, on écoutait des films d'animation, on faisait des siestes, des fois t'avais un jeune qui s'était couché par terre, qui dormait. Il y avait une réunion du matin aussi, puis après la réunion du matin, il y en a qui se mettaient tout de suite au travail, commençaient à faire différents projets, puis il y a des jeunes aussi qui restaient assis toute la journée dans le salon à juste parler, puis à jouer avec leur iPod, ça aussi, on l'a vu. C'est un endroit de liberté. Est-ce que les enseignants, puis ils sont trois enseignants à travailler là, c'est des gens qui offrent leur soutien, qui offrent des ressources, qui offrent des cours. Il y a des cours qui sont donnés à chaque jour. Ils encouragent les jeunes aussi à faire des projets, mais il n'y a aucune coercion. Quoi, sinon? Ouais. C'est pas coercif. Non, il y a de la cohérence. Ouais, il y a de la cohérence. Mais on ne force pas les jeunes, au fond, à faire vraiment quoi que ce soit. Ils ont le droit. C'est un problème, d'ailleurs, un peu, quand ils en parlaient parfois. Il y a des jeunes, ça faisait 2 mois, tu sais, qui n'avaient rien fait, là, vraiment. Il y en a qui, ça faisait 2 mois qu'ils étaient assis en même temps, du matin au soir. C'était quelque chose avec lequel il fallait qu'ils... Mais ils ont quand même l'expérience, parce qu'il y a l'école primaire qui est juste à côté, puis c'est comme la même famille. Ils savent que souvent, des jeunes qui vont arriver d'un milieu plus traditionnel d'enseignement, ils ne se font plus quoi dire, quoi faire. Ils ne savent pas vraiment c'est quoi aimer apprendre. Ça prend un temps pour, comme il pourrait dire, se désintoxiquer, là, puis de reprendre la vie, puis de dire, OK, hey, je pourrais faire un projet, non, non. Ça fait que, tu sais, ils ont cette patience-là avec les jeunes. Mais on ne peut pas dire non plus que c'est pas quelque chose qui inquiète peut-être les adultes, parfois, de voir des gens absolument rien faire pendant des semaines ou des mois. C'est quand même quelque chose qui est discuté ouvertement entre les jeunes, avec les adultes. Est-ce que les projets sont toujours bouclés? Non, pas nécessairement, mais dans le système public non plus. Mais non, c'est ça, non, mais je te dirais que peut-être, sûrement que oui, sûrement que les projets sont plus bouclés parce que les projets qui sont entrepris de plein gré par les jeunes. Ça fait que j'imagine que je vais essayer de sortir les photos et les mettre peut-être comme ça pendant que je parle un petit peu de cette école-là. J'ai une question, je trouve, est-ce que les enseignants ou les maîtres Oui, c'est sûr que dès qu'un jeune embarque sur un projet, c'est sûr qu'il y a un enseignant qui peut dire « Veux-tu que je t'aide? Veux-tu qu'on travaille là-dessus ensemble? » Puis, oui, dès qu'il y a un jeune qui se connecte sur quelque chose, ils vont l'encourager puis ils vont essayer de vraiment tout mettre à sa disposition là, pour qu'il réussisse le projet. Mais si à un moment donné, en cours de milieu, au milieu du projet, il ne veut vraiment plus le faire, il ne sera pas... C'est ça. Moi, en tout cas, ce que j'ai observé du FUSCO, c'est qu'il y a beaucoup plus de suivi que dans les écoles publiques, parce que ben, les profs sont dépassés, ils ont 16 à 30 élèves. Ça, c'est comme, même dans une journée, là, on peut pas faire un suivi avec tous les élèves, mais là, il y a vraiment un contact, c'est vraiment une famille, puis les profs sont vraiment en train de parler de tout ça, puis aussi, une chose qui est intéressante avec ça, c'est qu'ils font beaucoup de liens avec la communauté. Alors, mettons, il y a un enfant qui veut faire du woodworking, ben, ils vont trouver quelqu'un dans la communauté, puis ils vont faire comme un mentor programme. Alors, là, c'est vraiment, puis eux, ils vont aller très loin avec l'enfant, puis ils ont un contact assez proche et assez intéressant, qui arrive pas souvent, surtout dans les écoles plus régulières. Puis, en tout cas, puis ça, Adventures a suivi aussi. Là. Tout à fait, ouais. J'ai une idée, moi, aussi dans les projets extrêmes, est-ce qu'il y en a sur l'art qui veut dire qu'ils sont en train de bricoler quelque chose, ils sont en train de monter, puis ça va servir pour une saison, ça va servir pour une fin. Donc, ça peut pousser au bouclier là, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui utilisent l'art pour un projet là? Oui, l'art est... C'est ça. L'art est vraiment important, là. C'est omniprésent, c'est vraiment... Oui. Le théâtre, l'art, le bricolage, quand ils sont plus jeunes, la musique, oui, c'est un très bon manuel. J'ai fait tout ça, juste ça. Les profs, les adultes, les ressources qui sont là, qui sont déjà super polyvalents, qui ont des connaissances, qui ont toutes les ressources. Oui. Les gens qui sont dans ces projets-là aussi, il faut le dire, ils sont souvent pas très bien payés. par exemple, à l'école secondaire, Harriet Tubman, je pense qu'il était à 12 000 $ par année, quelque chose comme ça, 12-14. C'est du monde, souvent, qui ont une réflexion par rapport à l'éducation, qui veulent être là, que c'est un choix qu'ils font, volontaire. Ça leur demande quand même beaucoup de sacrifices, parce que c'est beaucoup de travail. Ils sont toujours en train surtout Harriet Tubman, que c'est un nouveau projet, là, c'est vraiment, ça demande beaucoup d'imagination. Ils se battent contre le système à quelque part aussi. Là. Je sais pas si c'est en train de changer photo, hein, ça change, ok. C'est ça, les photos que vous allez voir, je peux juste vous dire rapidement, ceux à l'intérieur, c'est l'école primaire, Albany Free School. Puis les autres, c'est des photos du quartier. Tantôt, au fond, ouais, tantôt peut-être que je pourrais tourner de bord, choses comme ça. C'est des écoles, c'est le quartier, des photos du quartier. Je voulais montrer un petit peu aussi l'état du quartier un peu, tu sais, que tu avais des rubans, genre de police qui traînaient à des places, tu disais, ok, de sur un terrain vague. C'est ça. Puis les bâtisses complètement abandonnées aussi. C'est, on est loin de ça, dans tout cas. C'est pas spécialement dangereux, là, dans le sens qu'il n'y a jamais eu d'incident vraiment, je pense, avec les élèves ou rien. C'est plus des questions de drogue, souvent des choses comme ça. J'ai pas senti que la question de la sécurité était si. Non, c'était pas. J'ai l'impression souvent que c'était comme vraiment, tu sais, entre des gangs, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Puis ils sont acceptés dans la communauté aussi, là. Il y a des graffitis comme partout, là, quasiment, dans cette partie de la ville-là. Puis vous allez peut-être le voir tantôt, la bâtisse. D'ailleurs, ben c'est ça, c'est une bâtisse qui est en face de l'école. Mais l'école n'a aucune graffiti, tu sais. C'est comme, puis ils sont super contents. Là, je dirais, dans la communauté aussi. Mm-hmm. Les gens les trouvent vraiment weird, mais ouais. C'est correct. Il faut dire aussi que soit les jeunes se font mettre dehors du système public pour différentes raisons, ou des écoles privées, puis ils vont aller dans ces écoles-là, ils vont être. Souvent, tu vas être accepté. Si tu veux être là, si tu dis, moi, je veux être là à cette école-là, je veux l'essayer, puis les parents sont quand même collaborateurs, les jeunes vont être acceptés dans l'école. Bon, ils refusent très peu de gens. Puis l'admission, c'est sûr qu'ils demandent de l'argent, mais si tu n'en as pas, tu peux y aller quand même. C'est de zéro, comme l'école Harriet Tubman, ils demandent 2 et 4 000 par année. Ce qui n'est pas beaucoup pour une école aux États-Unis, une école, si on parle de pas financée par l'État, là, les écoles privées, ça peut aller à c'est 20 000, c'est comme c'est bas de gamme. Là. Alors, une demande de 2 et 4 000, puis quelqu'un qui n'a pas d'argent peut y aller quand même. Des fois, on va demander de si les gens peuvent contribuer d'une autre manière. Ça fait que, c'est ça, tu as des jeunes qui débarquent, qui habitent dans le quartier, leurs parents ont décidé de déménager là parce qu'ils aiment l'école, puis tu as des jeunes aussi qui débarquent. La voiture avec les fenêtres teintées, puis le gros B, puis la voiture qui tremble, puis tu sais, genre, le père avec les grosses chaînes, puis le petit jeune va débarquer pour aller à l'école, tu sais, vraiment tous les styles, là. Puis tous les jeunes sont vraiment traités d'une façon, là, super, je trouve, super égale. Tu sais, j'ai vu des jeunes avec des comportements qui avaient l'air violents, ou tu sais, qui pouvaient montrer qu'ils voulaient comme dominer d'autres jeunes. Pis les jeunes savaient dealer avec, tu sais, c'était... Comme c'est ça, le jeune que j'ai vu débarquer, là, tu sais ça, c'est le père avec le gros char, puis la musique était dans le piton devant l'école, puis, tu sais, puis le jeune, je l'ai vu un petit peu agir dans l'école, puis je trouvais ça vraiment spécial quand les gens essayaient d'agir avec, les enseignants aussi essayaient d'agir avec. Ouais, pour l'accepter, c'est ça, puis lui donner un petit peu ce qu'il avait besoin, des fois, de l'affection, etc. À Harriet Tubman, une autre affaire était super intéressante, il y avait un jeune qui était là qui était autiste aussi. Puis ce jeune-là, il venait deux ou trois jours par deux semaines, je pense. Pis ses parents avaient demandé qu'il y ait à cette école-là pour qu'il soit avec, pas juste dans une école spécialisée pour jeunes autistes, mais qu'il soit avec des vrais jeunes, en parenthèse aussi. Puis, il y avait de la misère à marcher. La position dans laquelle il était meilleur, c'était par terre écrasé. Puis, tu sais, il y avait des drôles de réflexes, tu sais, souvent c'est ça. Puis, il disait des drôles d'affaires aussi, un peu bizarres, mais les jeunes l'avaient accepté. L'avait, puis c'était des jeunes, tu sais, souvent bien cool, avec le beat, puis les vêtements, puis tout. Puis t'avais comme le jeune, tu sais, qui était très différent d'eux, mais qui était super bien accepté. Puis il n'y avait pas les profs qui l'encadraient ou rien, c'était vraiment organique. Par rapport aux cours, à chaque jour, il y a un horaire qui est donné. Les jeunes ont le choix, le matin, je pense, ils ont un cours ou deux, puis l'après-midi, un cours, je pense qu'il y en a deux. Ils ont tout le temps un ou deux choix. S'ils n'aiment pas les choix, ils peuvent faire leur propre projet. Des projets comme faire un zine, préparer un voyage de fin d'année, faire des stages, toutes sortes de choses. Il y en a qui c'était vraiment les arts aussi, faire J'ai vu beaucoup de jeunes faire beaucoup de dessins, de l'écriture, etc. Moi, par exemple, j'ai donné deux ateliers pendant que j'étais là. Il y en avait un que j'avais offert par moi-même. Je fais de l'apiculture, entre autres. Là. Ça fait que j'avais proposé de parler d'apiculture. Puis, pendant que j'étais là aussi, il y avait un autre cours que un des enseignants donnait. C'était un cours d'histoire. Puis, il m'a demandé, veux-tu donner un petit cours peut-être une heure et demie sur l'histoire du Canada? Ça fait que je parle de colonisation. Ça, c'est ça. Ça fait que j'ai deux cours. Puis c'était vraiment intéressant pour moi de donner des cours dans un environnement comme ça, parce que j'ai quand même enseigné pendant 3 ans dans les écoles publiques. Puis on monte en haut dans un local. Les jeunes, il y en a assis à la table, il y en a assis sur les chaises, puis tout. Il y en avait 6 ou 7 à chacune des deux périodes. Puis ils étaient super attentifs. Je leur ai pas dit sortez vos notes, commencez à noter. Puis souvent, ils notaient par eux-mêmes des choses, ce qui était quand même assez rafraîchissant. Poser des questions super intéressantes. Puis là, je me suis rendu compte aussi, par l'histoire du Canada, souvent les jeunes me sortaient des éléments que c'était quand même, tu savais ça, tu sais. Des dates là, qui étaient assez surprenantes aussi. Ça fait que j'ai été vraiment surpris de voir, premièrement, que c'était pas des jeunes qui savaient rien à cause qu'ils étaient dans des free schools, mais aussi qu'ils participaient, puis qu'ils s'autodisciplinaient parfois aussi. Il y en a un parfois que moi, j'ai jamais fait un seul commentaire, mais parfois il y en avait deux qui parlaient ensemble, puis souvent c'était un autre jeune qui disait hey, les gens, tu ne pourrais pas être là, non, ça se réglait vraiment bien. Alors, ça c'était quand même assez inspirant. Est-ce que je peux dire que j'ai été confortable avec tout ce que j'ai vu dans ces écoles-là? Non, tu sais. J'ai eu une discussion avec une élève aussi qui me disait, tu sais, j'allais dans une école publique, j'aimais vraiment pas ça me faire dire quoi faire, tout le temps contrôler. Elle dit, là, je suis née ici. Elle dit, j'aime ça, mais parfois, je me demande si c'est la bonne chose pour moi. T'sais, elle dit, parfois, j'ai l'impression, tu sais, que je manque de stimulation ou je nous regarde tout, puis je me demande, c'est où qu'on s'en va dans ce bateau-là, tu sais. Puis c'était ça qui était une autre affaire incroyablement intéressante, c'est que les jeunes de l'école secondaire s'intéressaient au fonctionnement de leur école, s'intéressaient à l'éducation alternative d'une façon plus large aussi. Mm-hmm. On a eu une conférence, le samedi, il y avait une conférence à l'Albany Free School, puis il y a des jeunes de l'école secondaire qui s'étaient inscrits par eux-mêmes pour venir à la conférence un samedi. L'éducation, puis le thème, c'était l'éducation humanisante. C'était assez moyen, là, mais en tout cas. Mais c'était plus intéressant d'observer sur le terrain que dans une conférence. Puis les jeunes sont inscrits. Ça fait que ça, c'était quelque chose d'autre qui m'a surpris. Les jeunes sont capables de parler de ce processus-là d'apprentissage, de comprendre pourquoi ils ont fait ce choix-là éducatif. C'était comme un autre niveau complètement, là. À quel moment, C'est comme là, c'est souvent très important quand tu as 5 ou 6 ans, puis tu décides d'aller en bas, de devenir un enfant d'en bas. Ils parlent beaucoup de ça, c'est comme un graduation, où tu es prête à passer de la maternelle aux premières années, mais c'est pas ça comme ça. Mais puis ils sont quand même dans des groupes de leurs profs pour faire des activités, s'ils vont faire une classe de mathématiques. Ou, en tout cas, ça va être comme des 6-7 ans ensemble. Je sais pas pour la secondaire. C'est ça. Avant qu'il y ait l'école secondaire aussi, la Harriet Tubman, les jeunes ne veulent pas y aller au système public après, ou l'école privée. Là. Ça fait qu'il n'y avait pas le choix qu'ils partent à 12-13 ans de dire bon, ben, là, il faut que tu ailles ailleurs. Là, maintenant, ils peuvent aller à Harriet Tubman. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment de niveau. Non, il n'y a pas de niveau, d'après ce que j'ai compris, mais c'est sûr qu'à partir de 17-18 ans, il faut qu'ils pensent à ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent être dans un college, s'ils veulent à l'université, s'ils veulent avoir un job, etc. Ça fait juste 2 ans de Harriet Tubman, ça fait qu'ils sont en train de commencer à penser qu'est-ce qu'on va faire. Mais le samedi, lors de la conférence, il y a une autre école à Brooklyn, ça s'appelle le Brooklyn Free School, ça fait 5-6 ans que ça fonctionne, je pense depuis 2002. Puis eux, là, ils commencent à avoir pas mal de finissants, là. Puis là, ils sont là-dedans, là. Est-ce qu'il faut qu'on leur fasse un bulletin? Ou est-ce qu'ils se font un portfolio? Ils sont vraiment en train de tout démêler ça. Ça avait l'air assez compliqué. Puis aussi, je leur ai posé la question, est-ce que là, à un moment donné, ils ont commencé à dire, ben, on veut pas leur, on leur fera pas faire d'examen, ça c'est certain, pas d'évaluation. On pourrait peut-être faire des genres de faux bulletins, auto-évaluation, nanana. Puis là, je leur ai dit, ouais, vous n'êtes pas en train d'un petit peu, tu sais, à la fin, tu finis tout ton parcours, là, puis là, tu sais, qu'un bulletin, tu sais, t'es un petit peu en train de trahir, là, tout ce que t'as fait, là. Puis là, ils m'ont mis dehors, non. Non, mais, puis, ils ont dit, oui, mais c'est vrai, mais à quelque part, c'est qu'on veut que ce jeune-là ait toutes les possibilités devant lui, tu sais, s'il veut aller en université, tout ça. Aux États-Unis, par exemple, de plus en plus, les écoles acceptent les homeschoolers. Ou des jeunes qui arrivent d'écoles alternatives, parce qu'ils se rendent compte que c'est des gens qui ont développé d'autres choses, souvent qui sont des super bons apprenants, des gens qui sont motivés, qui font... Hein? Au Québec, je ne le sais pas. Je ne le sais pas vraiment, là, puis c'est quelque chose que j'ai l'intention de m'informer. Il y a une politique pour accepter les homeschoolers qui disent que ça va être cas par cas. Il faut donner beaucoup d'informations. On a étudié tous ces textes-là, puis on a étudié ça. Donc, il faut quand même, si tu es intéressé à faire école à la maison, même si tu n'es pas enregistré, c'est mieux de garder un portfolio dans cette manière pour toi, pour l'enfant et pour la future. Prendre des photos de, faire un field trip, un petit de quoi éducatif. Prendre des photos, garde. Exactly. Garde les centres d'écriture ou de l'université. Pour, si jamais tu as besoin de trouver que tu as ça, soit pour le commission scolaire ou pour cégep. Au Québec, si tu as 16 ans ou plus, tu peux juste rentrer à ton commission scolaire pour demander écrire des examens équivalence de secondaire. Mm-hmm. Tu peux rentrer comme étudiant future student. Après 16 ans, tu as le droit, donc on a toujours l'option. Et les universités, les cégeps prennent les gens qui sont éduqués à l'ICL de plus en plus, les enfants sont trop jeunes. Et ça, c'est en train de changer. C'est ça que j'ai entendu, que c'est en train de changer dans une manière de plus... Ces deux écoles-là, le Harriet Tubman puis l'Harvey Free School, une des valeurs super importantes, c'est que c'est des écoles démocratiques. Donc, les relations, vraiment la gestion de l'école le plus possible se fait par les jeunes avec les enseignants sur des relations aussi d'égal à égal. Par ces moyens-là, on essaie d'enseigner, entre autres, la démocratie. Là. C'est sûr que moi, parfois, j'ai tendance à... Si c'est la démocratie dans laquelle on vit, en tout cas, je trouve que c'est pas assez, là. Mais vraiment, on essaye de rendre le lieu éducatif géré par autant tout le monde qui vit au fond là-dedans, là. Alors, c'est des valeurs super importantes, Democratic Schools. Okay. Donc, j'ai parlé de différents projets, puis d'ailleurs aussi, je voulais parler d'un autre projet, le projet ici, qui est super intéressant, le Montreal Free School, l'École libre de Montréal, qui est un projet éducatif super intéressant. Bon, je pense que ce projet-là, c'est intéressant parce que ça fait de l'éducation populaire, mais moi, je trouve que j'ai des propositions, au fond, ce qu'il faudrait faire de plus en plus au Québec pour offrir une éducation à nos enfants qui reflète nos valeurs. Premièrement, je crois qu'une des forces des écoles que je respecte, que j'ai visitées, c'est que ce sont des petites écoles. Le ratio enseignant-élève est plus petit. On peut vraiment avoir des relations plus authentiques, avec moins de stress. On peut donner plus de temps. Une autre valeur vraiment importante, c'est qu'on fasse des écoles basées sur la liberté et le choix volontaire du jeune. Le choix volontaire du jeune, c'est ça. Le mot volontaire, je trouve ça vraiment important. Je trouve que c'est vraiment à la base d'être motivé par cet apprentissage. Puis là, je fais un petit résumé un petit peu de ce que j'ai parlé pendant la conférence, mais entre autres, quand j'ai parlé aussi de l'approche basée sur les besoins de la personne, le self-directed learning, ça, c'est quelque chose d'autre qui doit être au centre d'un projet éducatif. Le plaisir d'apprendre d'Aristote. Quand j'ai parlé de la communauté albanie, ça, c'est d'avoir un milieu de vie. Que l'école soit un milieu de vie, mais aussi que l'école soit une entité à l'intérieur d'une communauté. Ça, c'est un autre principe que je trouve super intéressant. Aussi, c'est John Dewey qui a dit ça dans un livre qui s'appelle « Expérience et éducation ». Il s'agit d'introduire un ordre nouveau de pensée pour un ordre nouveau de pratique. Puis à ceux qui ont le goût de regarder plus loin, qu'ils n'oublient pas que le mouvement, que ce qu'on veut créer, doit être adapté aux besoins sociaux existants en ce moment. On doit penser au fond, qu'est-ce qu'on veut créer comme école, à quels besoins qu'on veut répondre. Le système actuel, je vais terminer là-dessus, le système actuel éducatif est critiquable pour plusieurs raisons. Cependant, ce que nous voulons créer doit être une nouvelle option, une alternative basée sur les valeurs, les principes et les expériences que nous jugeons primordiales. Le but de l'éducation est de permettre aux gens de reprendre leurs propres apprentissages entre leurs mains, de se réapproprier leur processus éducatif, leur propre pouvoir d'apprendre et d'être en action. Donner la possibilité aux jeunes, à l'aide d'un soutien éducatif, à créer leur propre existence. Et non pas seulement servir à un pouvoir ou une influence extérieure à eux. Peu importe la direction que prend l'intérêt de l'apprenant ou de l'enfant ou du jeune, l'important c'est qu'il soit maître de sa volonté, de son éducation et de ses prises de décision. Le but fondamental de l'éducation est donc de redonner le pouvoir d'agir à chaque être humain, qui est souvent malheureusement pris en otage par des impératifs économiques et bureaucratiques, comme c'est le cas dans le milieu éducatif institutionnel. Je t'ai donné la feuille. C'est ça. Alors, moi, c'est ce qui me motive. C'est pourquoi je mets de l'énergie et du temps pour vouloir discuter avec les gens et vouloir créer des alternatives. Je pense que j'ai pas mal dit en ce moment ce qui m'allume, ce qui m'intéresse, ce qui m'alimente. J'ai aussi le goût de voir des projets se développer pour les enfants, pour les adolescents. Moi, personnellement, j'ai eu le goût de développer des projets plus pour les adolescents. Mais je pense que ce serait peut-être le moment où on pourrait peut-être continuer la discussion plus en groupe sur ce qu'on trouve qui est nécessaire, ce qu'on trouve qui devrait être créé. Ce qui manque dans notre système en ce moment, puis qu'est-ce qu'on veut donner aux jeunes, peut-être qu'on peut continuer là-dessus, ou sur d'autres commentaires ou interrogations intéressantes. Je sais que pour avoir une vraie école au Québec, les écoles privées au Québec sont bien subsidized. Mais il faut suivre le curriculum. Pour être une école vraiment libre au Québec, il faut vraiment être indépendant du système public. Et pour moi, ça c'est un des... J'ai pensé à une école pour les enfants, ça fait longtemps, mais j'ai mes enfants à penser aussi. Et je me disais, je ne veux pas être toujours dans les bureaucracy bullshit. Mon choix, c'est d'éduquer mes enfants et j'essaie de commencer un centre ressources pour les gens qui font éducation à domicile. Donc, on peut aider entre nous et même faire des classes entre nous et tout ça. Mais ça évite, pour moi, ça évite toute la bureaucratie qui me fait peur. Et aussi, ce qui est dommage au Québec, c'est que c'est all or nothing. Si tu dois soit resign your child to the system et tu as 5 jours semaine que tu vas courir pour l'autobus et faire les devoirs, et ça c'est la vie, ou bien tu as 24 heures, 7 jours semaine avec tes enfants et pas beaucoup d'autres options. Et pour avoir une option temps partiel ou une école qui va prendre soin de tes enfants, parce qu'on est dans une ville, on ne peut pas laisser les enfants uniquement dans le trottoir. Donc, c'est ça. L'école, c'est une bonne babysitter. Pour beaucoup de monde, on n'a pas de choix. Mm-hmm. On donne les enfants à l'école parce qu'on peut aller travailler ou faire autre chose. Gatto, il dit bien ça, John Taylor Gatto. Quand il dit, tu prêterais jamais ton auto à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as pas vérifié qu'il y a une bonne licence, tu ne sais pas où ça s'en va, qu'est-ce qu'il va faire avec ton auto, mais tu donnes tes enfants à des gens Tu n'as aucune idée c'est quoi leur philosophie, qui ils sont dans la vie, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tes enfants, journée, tu donnes tes enfants. Sans jamais questionner, sans jamais te dire qu'est-ce que je fais là. Tu prêterais pas ton auto. On donne nos enfants à l'école. C'est une babysitter aussi. Vraiment. Le cours de la maison de en Montréal, est-ce qu'il y a des parents qui ont essayé comme pour seulement la classe du gymnase? Est-ce que vous mettez pour comme deux, trois chaque jour à l'école? Pour comme... In public school? Yeah. Or to put them into a public school for the public school. Here they don't let you. In BC you can, in Alberta you can. In Alberta they give you money to be a homeschooler to buy a computer and books, but here it's they don't. You could negotiate. If you have a neighborhood school that you're somehow friendly with, you could certainly try to negotiate, but nobody specifically has to, and most of the homeschoolers don't even attempt to do that, but they will try to find places that they can rent a gym or whatever and do activities together. And there's tons of activities, but there's no homeschoolers are also in Quebec very afraid to be at a regular place at a regular time on a regular basis, because then you can identify them. Some of them, or you find them. Some of them won't even let you take pictures at when we have activities together, because they don't want to somehow be identified as homeschoolers. So, I mean, we're not all, you know, that paranoid, but there is that kind of, so far there's been a lot of resistance to even a resource center. What happens if you're homeschooled? You could, well, it depends. If you're not, we were saying this before, but if you're not registered with your school commission, then you can be blacklisted, which is basically your name given to the DPG, the Youth Protection, and then they would follow up. There's no in-between. You're either in agreement with your school commission and you've signed the contract and you do everything they want, or you can be given over to them. I refused to sign the contract. I refused to everything they were asking me. I said, there's nothing I agree with in the contract, so I refused to sign it. And I was followed up and harassed a little bit, and then she told me it was going to go to the legal department. I said, fine. So I wrote a big, long letter to the legal department, telling them all kinds of stuff about the education system and how I can do much better at home, and basically never heard from them. Well, actually, she followed up again, and I said, you told me I was dealing with the legal department. Now I'm just dealing with the legal department. And she didn't even say goodbye. She just hung up, and I never heard from the legal department again. So I somehow disappeared. But most people, about half of homeschoolers, the estimate is half homeschoolers never register themselves with the school commission. I always say they're the smart ones. They knew in advance that they weren't going to send their kids to school. Yeah, if you're on the fence, don't those try. Of us, yeah. Those of us who sent their kids to, sorry? Can you get in trouble for that? Well, you can have youth protection on checking up on you. They come into the home and evaluate whether you're taking care of your child properly. And if there's any kind of learning disability or whatever, other emotional or psychological or even physical question, then they can... If what? Well, how do you prove they're doing good? You have to be dealing with your school commission. But you know what? No. Yeah, apparently, generally, if you're not neglecting, starving, if or you're not, your children, yeah, the social services doesn't have time to social waste services on will you. Say, you're you know what, this is another bureaucratic problem enough, between you and your school commission, nothing to do with us, and they'll just sign it off. But more and more, and there have been cases where it goes further than that. It's not just the first evaluation, like it will go to further evaluations. Il y a l'Association québécoise des éducateurs à domicile. Eux autres vraiment s'impliquent à chaque fois que la DPJ est appelée sur un cas. Fait qu'eux autres, il y aurait plus de détails. Je ne sais pas combien de détails qu'ils te donneraient, mais c'est déjà arrivé. Sauf que quand c'est arrivé, il y avait des circonstances peut-être plus spécifiques. C'était pas nécessairement des enfants abandonnés ou rien, mais c'était soit... moi, le seul cas, j'ai été impliquée dans un cas qui était dans les journaux, etc. Dans les journaux anglophones, je ne sais pas si c'était dans les journaux francophones, si on l'avait remarqué au début, quand c'était arrivé. Ils ont été enlevés, mais un des enfants était diabétique. Puis il y a eu toute une question avec le médecin, puis tralala, en tout cas, toutes sortes d'affaires. Puis il y a eu les parents avaient l'attitude qu'on sait ce qu'on fait, puis on ne changera pas le régime de notre enfant, puis etc. Puis je pense que la façon dont ils parlaient ou dont ils faisaient l'interaction avec la DPJ, ça n'a pas du tout marché. Puis si tu ne vas pas aller avec le flow, pour pas, en tout cas, les enfants se sont fait enlever pendant plusieurs mois. Puis c'est quand ACAD, l'association, s'est impliquée qu'ils ont réussi à reprendre les enfants. Maintenant, à la fin, les enfants, ils ont retourné à l'école, en tout cas, toute une affaire, mais c'était un cas extrême. Souvent, moi, les ceux que je sais que la DPJ est déjà venue, c'était une visite, puis ils ont vu que il n'y a pas de négligence, c'est des gens qui font l'école à domicile, puis, tu sais, c'est pas à eux autres à évaluer si tu fais l'éducation correctement. Eux autres sont juste là pour voir qu'il n'y a pas de négligence ou d'abus. Puis s'il n'y en a pas, mais c'est pas leur. Le fait qu'on perd le temps de la DPJ pour ceux que. Écoute, quelqu'un qui va négliger ou abandonner ses enfants ou abuser ses enfants, c'est pas quelqu'un qui peut les avoir 24 heures hein, par jour. Puis ça, ils vont l'envoyer à l'école autant possible. Fait que c'est vraiment pas les mêmes genres de personnes. Il y a peut-être des cas extrêmes qui utilisent le droit de faire de l'école à domicile pour garder leurs enfants puis faire de l'abus, mais. Ça doit être assez rare, même si ça existe, ça me surprendrait. Mais c'est ça, mais de là, pourquoi qu'on utilise la DPJ, ça n'a aucun sens. C'est juste parce qu'ils veulent utiliser leur pouvoir puis de faire peur. Ou sinon, s'il faudrait qu'ils négocient avec nous autres, ce serait du travail puis de l'argent. Là, fait qu'ils envoient ça à la DPJ. Ah, aussi le secondaire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font le secondaire. Ils veulent pas le faire avec tout ça, là. Ils veulent pas faire l'éducation. Ouais, ils veulent pas faire. Ils sont habitués, déjà, ils devraient continuer à être bien pour faire plein de projets libres. Oui, ceux qui font l'école à domicile, comment jeunes continuent jusqu'au secondaire, il n'y a pas de question. Ils continuent, c'est des gens qui adorent apprendre, sont très. Ouais. Puis ceux qui. C'est à cause de l'école, oui. Et la façon dont ils sont gérés. Oui, yeah, exact. Réaction à ça, là. Ouais. Ça, c'est un moyen. Aussi, le projet que je parlais plus tôt, je n'en ai pas parlé souvent, mais le North Star Self-Directed Learning Center, qui est au Massachusetts. Ça, c'est la même chose. C'est pour adolescents. C'est de, je pense, 12, donc pas 13, 14 jusqu'à 18 ans. Puis c'est des jeunes qui sont officiellement des unschoolers ou homeschoolers, puis qui sont inscrits à ce centre de ressources-là pour adolescents. Puis ce centre de ressources-là, au fond, c'est comme une école. C'est comme une école, mais où ils seront proposés toutes sortes d'ateliers, puis leur âge, je l'ai regardé quelques fois, leur âge, ils vont sur Internet, c'est absolument incroyable, c'est la diversité, là, c'est vraiment intéressant, il y a de la capoeira, il y a History of Rock and Roll, les trous noirs, et tu sais, genre, un prof de physique de l'université de Boston, parce que c'est pas là de Boston qui vient, tu as des cours de littérature anglaise, tu sais, c'est vraiment une programmation très diversifiée, très riche, les jeunes choisissent là-dedans, la communauté est impliquée dans le projet. Salut! C'est ça, ça c'est des jeunes qui se trouvent dans le scolaire, c'est comme une manière qu'on trouvait un peu d'offrir des écoles différentes à des jeunes sans être officiellement une école. Parce que c'est sûr, comme Raphaël a dit tantôt, d'être officiellement une école, c'est là que c'est un problème. Ouais. Ça fait qu'il y a comme un genre de... Sonia. Sonia. Non, c'est comme... t'as les écoles, t'as le homeschooling. Puis là, entre les deux, t'as comme des mélanges possibles un petit peu, là, différentes alternatives. T'as ceux qui font vraiment tout à la maison, même qui vivent sur une ferme, là, qui vivent avec leurs enfants, puis tout le temps, c'est ça, les gens qui veulent se regrouper, qui veulent, tu sais, à la limite, qui recueillent les écoles, mais sans donner les contraintes d'être dans un système, dans une institution contrôlée par l'État. Mais c'est ça au Québec, entre ceux qui font l'école à domicile, aux États-Unis, il y en a beaucoup qui se rassemblent, puis ça ressemble à une école. Sauf que c'est géré par des parents, puis ils font chacun leur activité. Au Québec, à part Mélanie qui faisait ça, c'est vraiment plus une activité. Peut-être qu'ils vont faire un cours de français avec un prof, puis ça va être quelque chose de régulier, mais ce serait juste un cours par quelqu'un. Je ne sais vraiment pas. Puis chaque activité, c'est des enfants différents, des personnes, des les personnes ressources puis les parents différents. Là, c'est jamais. C'est pas un groupe qui se rassemble à quelque part. Ça ressemble pas à une. Il n'y en a pas au Québec, à ma connaissance, qui ressemble à une école. Là. Ce qui serait vraiment plus mon idéal. Hein. Puis les gens. Ben, dans le fond, ça serait moi, je le verrais comme une école. Ben, les deux, parce que dans ma vision, parce que moi aussi, j'ai beaucoup pensé à ça. Moi, ce qui répondrait aux besoins, moi, rester à la maison, puis faire l'école à la maison, de la façon qu'on le fait maintenant, répond plus à ses besoins. Ben, déjà, ça a toujours été un petit problème, mais parce que, justement, je veux qu'il y ait un groupe d'enfants avec qui il grandit et apprend et... C'est vraiment une communauté. En ce moment, il y a une communauté de gens qui font l'école à domicile, mais ils font plein d'activités que, dans le fond, ce n'est pas des choses qui intéressent mon fils, fait qu'il ne se joint pas. S'il y a une activité qui l'intéresse, bon, il va, puis il est bien heureux d'avoir certains amis, puis d'en rencontrer des nouveaux, mais là, fait qu'on est à la maison, là, on va faire une activité. Là, on est à la maison, on va faire une autre activité, c'est pas les mêmes enfants, c'est pas le. Tu sais, il n'y a pas. C'est pas le ressentiment d'appartenance. Exact. Puis. J'ai déjà parlé à un couple de groupes de soutien de gens qui font l'école à domicile. Puis, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Ils aimeraient avoir un centre de ressources, quelque part qu'ils pourraient aller chercher quand ça leur tente ou mais ils veulent pas vraiment se rassembler continuellement comme ça. Moi, oui. Free school, c'est plus une école démocratique, mais même aussi le mot démocratique, puis la façon que la démocratie fonctionne, ça marche pas pour moi non plus. Ça serait plutôt, je sais pas comment, consensus-based, learner-driven. Oui. I'm also very holistic and spiritual, so that has to be in there somehow, but never forced, because it's not coercive. Moi, je me pose une question par rapport parce que, par rapport à l'école, parce que je me dis souvent, les parents qui vont avoir plus tendance, moi, c'est l'idée que je me fais, là, les parents qui ont tendance à faire l'école à domicile, tu sais, des gens qui sont plus allumés ou qui ont eu l'occasion d'être en contact avec d'autres gens allumés ou qui ont des alternatives, etc. Puis je me dirais, il y a comme un besoin criant d'avoir accès à l'école, une éducation émancipatrice pour des jeunes qui sont dans des conditions. Exact, c'est pas des parents qui vont aller faire l'école à domicile. Ben, c'est ça, fait que... Même si je me demande tout le temps, tu sais, une école qui n'est pas, tu sais, je pense par exemple, mettons, des parents que je vois dans mon quotidien, ben eux autres, là, ils veulent que leur enfant, il réussisse, tu sais, dans le sens formel, parce qu'il va devoir gagner sa vie, puis ils ont pas envie qu'il vive dans la misère, dans la pauvreté, puis on vit dans une société qui associe beaucoup d'éducation, avoir du bon travail, puis du bon travail à la réussite en général, tu sais. Et je me dis, dans ce cas-là, je me demande tout le temps à quel point d'avoir une école, ou en fait, comment offrir une école qui n'est pas nécessairement intérieure du réseau formel, tu sais, ou qui ne s'inscrit pas dans le cadre du ministère de l'Éducation, mais qui en même temps peut être attirante pour des gens qui ont réellement besoin d'avoir accès à cette école. Mais je pense que ça prend du courage, premièrement, puis de le. Moi, c'est ça, quand je voulais partir une école, j'ai réalisé en regardant dans les lois, etc., puis en connaissant Mel, que. Ça se fait pas en dedans du cadre bureaucratique. Tu peux pas, même si tu es une école alternative, tu peux seulement être alternative dans la façon dont tu enseignes la même chose. En première année, il faut que tu leur apprennes ça. En deuxième année, c'est ça. Il n'y a rien d'alternatif là-dedans. Là. Mais rien. Il y a quelque chose, c'est sûr. C'est une amélioration sur ce qui est le régulier, je présume, mais c'est pas vraiment. Non, c'est pas la même chose, mais plus dans une école alternative, c'est comme ça, c'est pas la même école. Il enseigne juste d'une façon un peu différente. Bien, parce que je viens de sa propre école à l'internaire. Alors, tu sais, c'est ouais, pas c'est grave, ça. Pour moi, c'était le choix, parce que je suis seule, puis c'était le seul choix. Je voulais envoyer une école privée, Waldorf, parce que j'avais beaucoup de salles, mais là, c'était une par année. Oui, puis il n'y en a pas beaucoup d'alternatives, t'es sur une liste d'attente. Non, c'est ça, puis eux, ils voulaient être avec les communes. Ils ont fait déjà, ils ont déjà été subventionnés par l'État, qui sont à moitié subventionnés. Normalement, c'est 9-10 000 par année. C'est 9-10 000 par année. En tout cas. Mais plus que ça, c'était tellement l'enfer pour eux qu'ils ont dit non, on reste une école privée, on ne peut pas donner le choix aux parents de sliding scales. Okay. On ne peut pas, parce que ça cause tellement de problèmes qu'ils ne voulaient rien savoir. Puis, ça changeait vraiment l'école, c'était trop d'autant de vie. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas différent là, du tout. S'il est en bon français, c'est exact. Exact, ça prend les mêmes choses. Mais c'est ça, d'offrir une alternative. La seule façon que je voyais, c'est que, bon, OK, on crée une école, mais qui n'est pas une école. Moi, je l'appelle un centre d'apprentissage que j'offrirais à ceux qui font l'école à domicile. De l'autre côté, par exemple, moi, ce que je sais, en parlant à ceux qui font déjà l'école à la maison, et puis... Sachant mon histoire à moi, puis comment est-ce que mon fils est allé à l'école jusqu'au début de la deuxième année, vraiment, on répondrait plus à un besoin. Leurs enfants sont à l'école, ils ont des problèmes, puis ils ne peuvent pas faire l'école à domicile. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Justement, mon fils fitrait mieux avec ces gens-là qu'avec ceux qui font l'école à domicile déjà. Puis même ce que je devais offrir, ce qui ressemble exactement à ce que Colin il parlait ce soir, ça serait quand même que ces gens-là, on les aide, on les emmène en disant, OK, il y a une petite affaire dans la loi, oui, tu dois envoyer tes enfants à l'école, mais techniquement, tu pourrais faire l'école à domicile. S'ils se déclarent, même s'ils ne se déclarent pas, mais qu'ils enlèvent leur enfant en disant qu'on va faire l'école à domicile, s'il y a des suivis, on les aide avec ça, on les aide à gérer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec la commission scolaire. Entre-temps, ils ne sont pas vraiment obligés de faire l'école à domicile. Les enfants viennent au centre de ressources. Puis c'est là, c'est l'école, dans le fond. Si éventuellement, si on se fait déclarer une école, puis ça devient un problème, on le gère quand ça arrive. T'sais. Mais entre-temps, de leur offrir une alternative qui n'est pas dans le système. C'est vraiment en disant, ben, déclare-toi comme quelqu'un qui fait l'école à domicile, puis tu travailles... tu fais le soir, les fins de semaine, puis ton mari peut partager, ou tu as d'autres ressources aussi. Tu sais, des fois, ils vont demander un petit peu de preuves, là, que tu peux le faire, mais vraiment, dans le fond. Non, ça serait 3 ou 4 jours maximum. Puis, je dirais que pendant un certain nombre d'heures dans la journée, c'est vraiment juste pour le core group, là, ceux vraiment que c'est leur école. Soir et fin de semaine, on ouvre les portes à d'autres, pour d'autres activités, soit pour du after school activities pour ceux qui vont à l'école, mais de leur apprendre des choses, leur ouvrir les idées. Tu sais, peut-être que tu es pris à l'école, mais tu n'es jamais sans pouvoir, tu sais, puis leur apprendre emancipation, tu sais, sans un petit peu plus détourné, là, puis les fins de semaine aussi, puis aussi être un centre de ressources pour ceux qui font l'école à domicile. Si tu offres un cours, en après-midi ou en soirée, c'est sûr que si ça les intéresse, ils vont venir. Là, c'est aussi une façon de faire de l'argent. Il y a une petite affaire, je veux dire, par rapport à ce que c'est tout. Une chose que je trouve bien, c'est cette idée, c'est tout le monde. C'est vraiment, c'est comme, c'est diversifié quand même. Je veux dire, ça, c'est intéressant. Tout le monde passe par là. Là ça fait écoute, tu as quelqu'un dans ta classe qui est vraiment un petit peu, tu es comme qui. Je ne sais pas tout, non. Mais c'est ça, ça fait ça, c'est intéressant. Mais comment on peut rejoindre ça dans des écoles, peut-être dans des projets qu'on parle en ce moment? C'est un truc, le concept que j'ai parlé au début, c'est le décrochage. Tu as des gens qui vont décrocher pour plein de raisons. Puis tu as beaucoup de gens, entre autres, ils en parlent beaucoup là-dedans. C'est surprenant à Albany, comment que souvent on se rend compte que beaucoup de leurs élèves, c'est des gens qui ont été mis dehors du système public. Et qui ont été suspendus, genre, puis qui décident pour la suspension de tirer une décédée cette école-là. Ou des gens qui font le choix aussi volontaire. Mais comment je vois ça, c'est il y a moyen, je pense, d'aller chercher les jeunes aussi qui ne fit pas dans le système et qui ne savent pas trop où aller, autant ceux qui font le choix volontaire. Alors, c'est du décrochage volontaire aussi. Là. Puis, c'est vrai parce qu'en anglais, ils disent dropouts. Mais là, j'ai donné autre expression, je vous dis, vous appelez des drop-outs, vous appelez des rise-ups. Oui, moi, ça, là, c'est ça, moi, c'était un de mes buts, c'était de trouver un nouveau mot pour le drop-out. Oui, oui. C'est quelque chose que je vois, c'est quelque chose que je trouve important aussi, pas être dans un projet où c'est l'élitisme, où si on se retrouve être dans une communauté fermée. Hein. C'est un centre de la situation, c'est une façon aussi de les gens de la communauté qui. Exact, qu'ils découvrent qu'il découvre à travers le centre de ressources, puis éventuellement veulent peut-être devenir plus à temps plein. Je dirais que c'est juste un tiers peut-être des élèves, je ne sais pas le secondaire, mais le primaire, qui sont des free schoolers. Ça, c'est des enfants, des parents dans la communauté, soit qui sont là pour l'aspect communautaire, très hippie, très gauche, ou qui sont des profs. C'est des enfants des profs. C'est un tiers. L'autre tiers, je dirais, c'est comme des rise-up, pour plein de raisons. Puis l'autre tiers, c'est peut-être du quartier, juste dans l'environ proche. Ok, comme une école. C'est des fois très rough, là. Très, très vite. Les personnalités assez difficiles. I mean, the idea that I originally had too when we called for the first meeting was that it would be like for children. But then adults were really interested in why not include them too. So it kind of just grew organically the way it is. But the idea that it's ageless. But I mean, I do envision, I did go to visit the Albany Free School. And I would love if we could create something like that here too. But why not include all ages, you know? Still have it as a primary, secondary, whatever, but almost like community center. Mm-hmm. Mais en tout cas, l'affaire aussi que tu as mentionné tantôt, là, ou en tout cas, c'est ce qui me marque beaucoup, là, par exemple, l'expérience d'Albanie, la dimension de communauté, tu sais, c'est super important. Puis ça, c'est quelque chose, je ne sais pas comment vous voyez ça, là, mais tu sais, moi, j'ai souvent tendance à je rêve, ben, avec différentes personnes, on rêve différents types de projets, mais il y a aussi comme la question de la communauté d'accueil, tu sais, qui devient la communauté où ce projet-là prend racine puis qui nourrit ce projet-là. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui proviennent de communautés différentes aussi. Je me demande un peu, est-ce qu'il y a un endroit, c'est important, à mon sens, là, l'endroit puis le contexte, tu sais, qui peut s'installer autour d'un projet comme ça, c'est super important. Tu sais, puis je me pose beaucoup la question. À Montréal, tu sais, par exemple, c'est une sorte de point de vue concret, tu sais, est-ce qu'il y a des endroits qui sont propices à ça, il y a déjà une effervescence ou une mouvance, ou comme d'autres acteurs sociaux qui peuvent venir appuyer ce projet-là, parce que c'est pas évident quand tu fais un projet qui va à contre-courant de le faire, tu sais, avec un îlot, tu sais, c'est important d'avoir le soutien d'autres dimensions de la communauté. Mais je pense, en tout cas avec l'Albany Free School, ça s'est développé tout seul, puis là c'est immense la communauté, puis ils ont même un système d'argent là, je sais pas si tu as parlé du money game, ou, il y a comme un système où n'importe qui dans la communauté peut emprunter l'argent du Free School, puis il s'appelle ça le money game. Alors là, si tu veux acheter une maison ou acheter une voiture, tu peux aller à l'école. C'est pas vraiment l'école, mais en tout cas, c'est comme un branch de l'école. Puis, ouais, c'est ça. Ils ont tout, c'est comme tellement compliqué et complexe dans tous les niveaux de leur communauté. Mais ça a commencé avec Mary Lou et son enfant et ses voisins, quelques voisins qui ont loué, qui étaient dans une église, dans une école d'église, puis après c'était des enfants, après ils avaient besoin d'acheter un bâtiment, mais ça a vraiment juste commencé avec une idée de, là, je suis pas contente avec le système d'éducation, il n'y a pas de choix, moi je fais ça, je vais créer ma propre choix, puis là, c'était organiquement, là, ça s'est tout placé, puis c'est ça, je trouve, moi aussi, souvent, je suis tellement comme, ah, mais comment on pourrait avoir tout ça, au lieu de, je trouve ça très important aussi d'avoir tous les. De penser à tout ça. Et moi, des fois, je. Mais comme toi, je pense à ça, avec le bigger picture. Puis comment on pourrait ça, avoir tout ça, mais. En tout cas, je sais pas. Mais tantôt, tu parlais des écoles Waldorf. Je sais qu'il y en a une en Estrie qui est subventionnée. Oui, oui. Je sais qu'il y a des gens qui déménagent en Estrie, là, qui déménagent là pour que leur enfant aille à l'école, puis ça crée une communauté de par soi-même aussi. Mais j'imagine qu'à la base, il faut qu'il y ait quand même ça soit propice, qu'il y ait des gens qui sont intéressés, mais c'est compliqué aussi, je suis à Montréal, parce que la famille, c'est petit, c'est comme, en tout cas, c'est vraiment le fait que ça soit tellement urbain, puis tellement immense, puis tellement quartier. Ça marche vraiment par quartier. Alors, c'est comme, en tout cas, souvent, je suis comme un peu dépassée quand je pense à comment ça pourrait être. Comme les lieux, puis. Ouais. Parce que la raison que le Free School, c'est encore là, puis ça fait tellement longtemps, c'est parce que mais nous acheter 10 immeubles, ou je pense que c'était 2 ou 3 avec un inheritance qu'elle a eu, sa mère est morte, puis là, elle a décidé d'acheter, je ne sais pas, peut-être c'était 5 ou 6, maintenant c'est plus comme 10 ou 9. Mais là, c'est pour ça que ça restait sustainable, que ça continuait, puis en tout cas. Mais moi, c'est un peu ça ma question, ça prend de l'argent de départ, tu sais, ça prend, tu sais, si on parle de partir d'une école alternative, mais ça coûte quoi partir d'une école alternative, 10 000, 20 000, 20 000, 200 000, tu sais, c'est plus. Pour partir d'une école, tu vois? Ouais. Ça prend un loco, ça prend une couleur. Parce que là, le Frisco, à Albanie, ils ont une place dans la campagne aussi, je ne sais pas si tu as parlé de Rainbow Camp, j'ai pas été encore, mais là, c'est un homme qui a donné tout son terrain. Immense, avec là il y a des bouddhistes, mais ils sont comme c'est des bouddhistes qui font du chanting, puis ils ont fait un pagoda, ils vivent là, mais en tout cas c'est juste quelqu'un de la communauté qui a entendu parler, qui avait beaucoup l'idée, puis il était comme bon, ben, je te donne ça, puis. Si on va se faire 50 km à tous les matins, c'est de savoir que tu es un chauffeur pour ton école. Je me dis, oui, au niveau des valeurs, tout ça, on peut s'entendre, je pense qu'on s'entend assez bien quand même. Pratico-pratique, là, si on veut faire quelque chose par un projet, c'est quoi? Je sais qu'on avait déjà parlé un peu. Là, c'est peut-être pas des millions de besoins, mais tu sais, j'essaie de voir. Mais louer un local, mettons, à Montréal, ça se fait assez facilement. Oui. Mais ça peut retourner à tour de même. Je ne sais pas, j'essaie d'avoir ça prend un coup de propre, tout le monde est bénévole au début, je ne sais pas. Oui, mais je pense que c'est quelque chose. Oui. Il y a